3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Hey, hey, hey, sortez vos flingues! Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Non, on va peut-être pas envoyer de balles aujourd'hui, mais ça va être une émission de la bombe, de la balle, on verra tout ça. Bref. Seb, comment tu vas en cette fin de saison régulière? Et oui, déjà. Écoute, moi, j'ai pas 75 000 dollars à mettre en amende, donc je vais les laisser dans le holster. Les... Bah écoute, ça va. Tout va bien. Écoute. Les Knicks gagnent, la saison régulière va toucher à sa fin, déjà. Déjà. Elle sera passée... Elle passe vite, hein. Elle sera passée vite, ouais. C'était ce que je me disais. Est-ce que ça passe plus vite quand on a 50 wins, ou est-ce que ça passe... Ah, je sais pas, C'est passé vite, en tout cas, c'est passé vite. Le printemps est là, le printemps est installé, et c'est déjà, effectivement, la dernière semaine de saison régulière qui se profile, qui se projette, qui se programme, et qui arrive, voilà, tout ça. Nous... Avant de parler de la nouvelle semaine et de cette dernière semaine de saison régulière, on va parler de l'avant-dernière semaine de saison régulière. Eh bien oui, on va regarder ce qui s'est passé dans le programme, dans l'actualité des Orange and Blue. Et vous le savez, comme à chaque fois, il y a beaucoup de choses à dire parce que ça se joue sur le terrain, il se passe des choses en coulisses. Eh bien tout ça, ça nous fait une bonne petite émission, l'épisode 120 sur KNF TV. C'est parti, let's go. Et voilà, on commence la semaine avec après avoir clinché définitivement les playoffs il y a quelques temps, et ben là cette fois c'est la saison à 50 wins. Deux saisons de suite à plus de 50 victoires. Enfin, plus de 50 victoires, on ne sait pas. En tout cas, les 50 wins sont passés. Et ben ça fait longtemps qu'on n'avait pas vécu ça. Hein. Faut remonter à la fin des années 90 pour retrouver un back-to-back à 50 wins. Et c'est une. Petit exploit en soi, hein. C'est une constance qui est plutôt qui est remarquable en tout cas, qu'il faut remarquer. C'est pas souvent que les Knicks arrivent à enchaîner les belles saisons régulières. Les belles saisons régulières, ça fait pas forcément tout le temps des beaux playoffs, mais en tout cas, bah faut le noter, une belle saison régulière, deux années de suite. Voilà, les résultats sont là en saison régulière. Après, la suite, c'est une autre histoire. Lorsque les Knicks avaient fait le back-to-back à plus de 50 victoires en régulière dans les années 90, est-ce que ça avait été au bout? Eh ben non, non. On sait que ça avait pu atteindre des finales sous l'ère de Pat Riley, mais... Ouais, bon, il y avait... Il y avait un certain Michael Jordan aussi. Hein, donc... Il y avait un épouvantail dans cette conférence Est qui a martyrisé beaucoup d'équipes et les Knicks en ont fait partie. Donc voilà, c'était d'autres difficultés. Mais voilà, on n'est plus forcément dans une époque où les équipes dominent la NBA. À voir si les Celtics arriveront à faire le back-to-back. Est-ce que ça sera l'épouvantail de la conférence Est pour un paquet de saisons et de la ligue au sens large? À voir. En tout cas, il y a pas mal de contenders. Est-ce que les Knicks en font partie? Bon, bah écoute, ça... les Knicks sous Pat Riley ont commencé la saison en 91-92 avec un bilan de 51-31. Ils sont éliminés en demi-finale de conférence Est. Bon, ils sont éliminés par Jojo. Il les pousse quand même en 4-3, hein. Donc voilà. Ensuite, la saison d'après, ils font un joli bilan de 60-22, encore une fois. Et là, ils sortent en finale de conférence Est. Malheureusement, contre Chicago. Encore par les Bulls. Avec un bilan de 4-2. Donc, pas horrible. Hein. Moins accroché que l'année d'avant où ils s'étaient rencontrés. Et l'année d'avant, les Knicks avaient même mené 2-0 la série. Donc... Oui. Ensuite, ils enchaînent avec une jolie saison 93-94 de 57-25. Et là, on sait qu'ils sont allés en finale NBA contre les Bulls de Jordan. Il était plus là. Et donc, ils vont en finale NBA et malheureusement, tu perds 4-3 contre Houston alors que tu avais le ballon pour gagner. Eh, le match 6, hein, contre de Olajuwon chez eux, à Houston. Hein, c'était l'époque où le format des playoffs et des Voilà, séries de playoffs était différent. le fameux tir de John Starks. Alors, est-ce qu'il aurait dû ouvrir pour Patrick Ewing qui était seul? Écoute, l'histoire en a décidé autrement. Et après, donc tu fais séance suivante, un 55-27. Et là encore, tu sors en demi-finale de conférence Est. Et cette fois-ci, tu te fais sortir en 7 par les Indiana Pacers. Voilà un petit peu ces 4 saisons consécutives à plus de 50 victoires. Bah écoute, à chaque fois, tu vois, demi-finale de conf, une finale de conférence Est, trois finales de conférence et une finale NBA. Bon, on a fait Les beaux résultats en régulière et en playoff, bah donc voilà, écoute, l'aventure elle peut être compliquée. sous Thibodeau, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un premier tour, on a fait deux demi-finales Deux de second tour. conférence. Bah peut-être que cette année c'est la finale de conférence, peut-être, peut-être. Peut-être. Ou la finale NBA, ou un second Voilà. tour, on verra, on verra. Ou un premier Donc tour, quoi. écoute, on va croiser les doigts. Voilà un petit peu l'historique. Le livre d'histoire. Allez, on ramasse la poussière là. Tout ça Ouais, remonte à ah ben quelques années déjà, mais en tout cas, il faut apprécier. c'était les grands Knicks, hein, cette époque-là, les Knicks de Pat Ewing. Une autre époque, un autre jeu. Un autre jeu. Un autre jeu, mais on a pu en parler lors de la dernière KNF Viewing Party. Et oui, parce que samedi, nous organisions l'avant-dernière soirée de la saison régulière. Rassurez-vous. Il y aura aussi des soirées en playoff, on espère le maximum possible. On espère aussi que le parcours des Knicks sera le plus long possible pour pouvoir festoyer ensemble et profiter de ces bons moments que nous offrent les Knicks. C'est toujours des bons moments passés avec les adhérents. Et encore samedi dernier en était la preuve. On vous donne rendez-vous, vous le savez, encore une dernière fois cette semaine. Ça sera dimanche, toujours au Hideout, Paris Gare du Nord, dans le même repère où on trouve une bande d'irréductibles Knickerbockers fans. Et oui, il y en a en France, mais bien sûr, on n'a pas attendu l'arrivée de Jalen Brunson pour lancer les événements, vous le savez. Et donc voilà, cette semaine, dimanche, nouveau rendez-vous pour le 82e match de saison régulière. On verra ainsi à la conclusion, le dénouement de cette saison régulière, quel est le bilan définitif des Knicks en termes de victoire. Les Brooklyn Nets, bon, un adversaire qui, normalement, sur le papier, est à la portée des Knicks, mais bon, on ne sait jamais. Des fois, qu'il y a un peu de load management de part et d'autre, des matchs un peu surprenants, on pourrait avoir une surprise. On verra, on verra, on verra tout ça. Allez, la Oui. saison régulière, c'est presque terminé pour les Knicks, mais pour les autres Knicks, les Westchester Knicks, c'est aussi terminé. Les playoffs, malheureusement, se sont assez rapidement finis en G League. Et pour autant, on a vu quelques awards, quelques récompenses. Voilà, je cherche le terme en français. Quelques récompenses de fin de saison. En l'occurrence, notre ami Brown, Moses de son prénom, qui a terminé joueur du mois. Bah oui, c'est plutôt pas mal pour un joueur qui a fait quelques passages éclairs en NBA. Et également une distinction pour l'executive of the year. Ça ne sera pas Léon Rose en G-League, mais ça sera Ryan Borges. Je ne sais pas comment on prononce son nom. En tout cas, il ne m'en voudra pas. Mais quelques récompenses qui soulignent aussi une belle saison de la part de l'équipe de G-League. Ça n'aura pas permis d'avoir le titre de champion, puisqu'ils ont été battus par l'équipe affiliée aux Celtics. Espérons Ouais, que ça ne soit pas un signe punaise. prémonitoire. Quand j'ai vu ça, là, je me disais, mais c'est pas vrai, c'est une malédiction. Ouais, mais bon, les chats ne font pas des chiens, hein. Je pense que s'il y a une bonne équipe en NBA, il y a peut-être aussi une bonne équipe, un bon staff, Wow. une bonne façon de travailler. Dans l'équipe de G League des Boston Celtics, affiliés aux Boston Celtics, même si voilà, les mouvements de joueurs et la qualité des rosters est plus aléatoire. Mais en tout cas, voilà, des Knicks qui marchent plutôt bien en Ouais, c'est NBA, qui marchent dommage. plutôt bien en G League, C'est et dommage. Celtics pareil. Ouais, c'est dommage ce parcours qui s'arrête prématurément pour eux parce que je pense. Ah, je m'étais dit, il y a peut-être quelque chose à faire parce qu'ils avaient très bien fonctionné durant la saison régulière. Et j'y croyais, moi. J'y croyais, moi, au titre des Westchester Knicks en G-League. Bon, bah écoute, malheureusement, Voilà, en plus de ça, derrière l'équipe affiliée à Boston s'est fait sortir. Et la finale de G-League va opposer l'équipe affiliée à Sacramento contre l'équipe affiliée à Orlando. Voilà les finales. Laissons-leur justement se disputer ces petites finales. Ouais, alors après, Pas certain qu'on retrouve ces deux équipes en finale NBA au mois je de sais juin. pas si ça se joue pas comme tous les playoffs finalement en un match sec, je Hein. crois. Ouais. C'est pas les mêmes formats. Voilà, on est plutôt sur des formats beaucoup plus courts. Bon. Mais en Voilà. tout cas, on tenait à souligner les récompenses de fin de saison pour Bah, les après, Westchester Knights. c'est vrai qu'après, derrière, il y a eu quand même. Bon, il y a eu. Chaque année, l'équipe de G-League bouge de toute façon. Hein. Mais bon, bah, ils ont eu Moses Brown qui a été une bonne révélation pour l'équipe cette année. Le mec a tourné en Presque double-double 20-20. en 20, presque 20-20, 20 points, 20 rebonds de moyenne. Tu as eu bah, après aussi bah, le joli coup TJ Warren qui a tenu en haleine. Longtemps tenu en haleine en se disant Voilà. peut-être que. Bah non. Bon. T'as eu aussi, alors maintenant il est parti à Cleveland, mais t'as eu Chuma Okeke aussi qui a été une belle pioche pour l'équipe de G-League. Ils ont rajouté un peu sur le tard vers février Johnny Davis, plus les petits rookies avec un Tyler Colec qui tournait lui aussi presque en double-double avec presque 10 points, 10 passes. Et McCullar qui sur la fin de saison a su C'est un se peu relancé révéler. là-bas, ouais. Donc, non, en effet, Nadie qui a passé un petit peu de temps. pas Hugues comme Porky Dadier. qui a joué aussi un peu là-bas. Surtout au début où il était que en two-way, je crois. En two-way contract. Donc, bon, c'est aussi un laboratoire un peu pour donner du temps de jeu. Là où on sait qu'en NBA, c'est pas forcément tout le temps évident pour les joueurs draftés en bas de draft. Donc bon, ça permet de garder un rythme de compétition. Et ils avaient gagné, ils avaient remporté le tournoi sur l'hiver dernier, l'équivalent de la Cup. Donc plutôt, voilà, plutôt intéressant. Et bravo à eux. Voilà, mais après, On par parle contre, rarement et on regarde moins la G-League, mais. les équipes changent d'une année à l'autre. Hein. L'année prochaine, Ouais. ce sera plus du tout la même équipe. Les équipes de Est-ce G-League. que Moses Brown va trouver une place dans un effectif NBA? Bon, il a montré qu'il avait quelques arguments Alors, il est. pour pouvoir Alors, moi, gratter peut-être un spot dans une rotation quelque part. je suis pas assez un expert. Je veux dire. Il y en a qui le sont beaucoup plus que moi dans l'analyse des matchs, le placement du mec et tout. Et qui disent que c'est un peu un poulet sans tête. Voilà. Alors peut-être que la G-League, c'est son plafond et. S'il joue en G-League et pas en NBA, c'est que effectivement, il y a des limitations quelque part, mais bon, on ne tourne pas à 20 rebonds de moyenne Faut qu'il par parte soir là. sans un minimum de sens du rebond, Faut quoi. qu'il parte en Chine, il va devenir un demi-dieu là-bas. S'il tourne à 20 points vers rebond en G-League, s'il part en Ligue chinoise, il va devenir monstrueux. Regarde Dwight Howard, comment il avait été encore très fort, alors que le mec, il avait 65 ans. Non, mais c'est une façon de parler. Ouais, je pense que Dwight Howard et Moses Brown, c'est un peu les mêmes, quoi. Non, mais Dwight Howard, sur sa fin Non, de mais carrière, c'est plus effectivement. du tout. Effectivement, des fois, on peut trouver son bonheur ailleurs. Bon, je pense qu'il espère encore, et son petit passage éclair à Dallas avait aussi été dans ce sens, il espère encore pouvoir décrocher un contrat NBA. Bon, de contrat NBA, on n'en parle pas parce que c'est déjà signé depuis un moment. Mais Tom Thibodeau, bah, il a signé un record cette semaine, enfin un record, où il a remonté dans la hiérarchie des coachs all-time des Knicks. Bon, vous le savez, les coachs all-time des Knicks, il y en a un paquet, hein, parce que il y a eu quelques changements de poste. Hein, alors, beaucoup plus depuis les années 2000 où ça s'est accéléré. Mais sur la un peu plus de 30, il y en a 31, et c'était notamment un des quiz animés par Chappie mardi dernier. Et bien Tom Thibodeau figure aujourd'hui à la quatrième place des coachs ayant gagné le plus de matchs en saison régulière. Voilà. Le classement sur les matchs de playoff, on en parlera à un autre moment, mais en tout cas en saison régulière, ça y est, il a définitivement passé Pat Riley après avoir égalisé son record en saison régulière dans la semaine. Ça y est, dorénavant, il est quatrième derrière qui? Derrière Red Holzman. Oh, qu'est-ce que je raconte? Garde Oui. Non, si, Red Holzman, je pensais au coach de Boston. On aimerait bien avoir autant de titres et autant de victoires que Red Ober. Ober. Ah, Auerbach, c'est ça. Je bafouille avec mes mots aujourd'hui. Mais c'est bien Red Holzman aujourd'hui qui est le tenant du titre et le plus gros coach victorieux en saison régulière. Et puis il a accessoirement ramené les deux titres de champion NBA des Knicks avec 613 victoires en saison régulière. Il a passé 9 saisons à la tête. Ouais, c'était une autre époque. 9. Il est revenu. Après, il est revenu 9, 10, 11, 12. Ouais, il a fait 12, ouais, ouais. 12 ans. Suivi de Joe Lapchick. Et le numéro 3, qui est-ce? Eh bien, c'est Jeff Van Gundy. Donc voilà, Jeff Van Gundy qui avait été le head coach de Tom Thibodeau il y a quelques années de ça. On s'en souvient entre autres avec les bagarres des années 90, à la fin des années 90. Bon, d'ici quelques temps, il faudra peut-être une saison supplémentaire. En tout cas, à Tom Thibodeau passera... pour dépasser. Jeff Van Gundy. Ouais, bah oui, parce qu'en plus Van Gundy, il a fait 5 saisons comme lui. En fait, là, Thibodeau est dans sa 5e, il va finir sa 5e saison. Tout porte à croire qu'il entamera une 6e saison. Donc, les bilans sont presque similaires finalement. Il y a une trentaine de matchs d'écart. Parce... Donc, voilà. Ouais, quand tu vois Van Gundy a 2 saisons à 50 ou plus. Il a une saison, il a la saison du lockout, forcément, ça lui a fait mal hein, à son bilan. Sinon, en fait, il a toujours été un positif, Van Gundy. Donc, alors que Tom Thibodeau a eu sa deuxième saison qui était en négatif. Mais voilà, 5 saisons en tant que coach des Knicks, c'est assez rare finalement d'ailleurs, de longévité pour. Il faut remonter à Van Gundy pour avoir un coach avec une longévité dans son contrat. Aussi longue ouais. que Tom Thibodeau, donc on verra s'il y a une sixième entre saison. Entre temps, depuis les années 2000, tu sais qui est le après Thibodeau, le deuxième coach le plus long le plus long d'Antonio. Ouais, d'accord. Avec un projet différent et avec 2 saisons et demie, Mike. Ouais, c'est pas très loin quoi. Bon, voilà, des coachs, on en a eu plein. Celui-ci, combien de temps restera-t-il et est-ce qu'il gravira encore des places dans le classement des coachs les plus victorieux dans l'histoire des Knicks? On peut penser que c'est à sa portée, cette troisième place. Après, la deuxième, Joe Lapchick, il va falloir gagner. Il y a 100 matchs d'écart. Voilà, il faudrait encore 2 bonnes saisons pour y arriver. Hein. Donc, on verra. Chaque chose en son temps. Des awards, en tout cas, il y a un joueur qui pourrait en décrocher un. On pensait à lui en tant que joueur le plus clutch de la saison régulière et son retour sur les parquets pour cette fin de régulière pour viser les 65 matchs n'est pas anodin. Mais non, c'est un autre dans une autre catégorie qu'il concourt également. C'est en tant que coéquipier de l'année. Et oui, c'est Jalen Brunson, le capitaine. Bon, il y a un petit peu de la concurrence hein, parce qu'il y a quand même un bon panel de joueurs qui sont présentés. 12 joueurs présents. On retrouve du Steph Curry, on retrouve du Nicolas Batum aussi, on retrouve du Al Horford, on retrouve du Steven Adams. Bon, vous avez en tout cas toute la liste. Brook Lopez, DeAndre Jordan. Oui, bon, il doit être sûrement très très sympa, hein, DeAndre Jordan. Mais voilà, est-ce que JB sera le coéquipier de l'année? Je ne sais pas qui vote. Je ne sais pas si c'est l'ensemble des joueurs NBA qui se prononcent en tout cas pour ce genre de résultat. Moi, ça se matérialise, ça, surtout. Tu les invites à la maison, à bouffer. T'as envie de dire que les joueurs d'Enix, ils vont voter pour JB, mais si chaque coéquipier vote pour son équipe. C'est pas bien, tu l'appelles, tu vois, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ça se matérialise comment d'être le meilleur coéquipier? Il te rince en apéro quand tu gagnes, je sais pas. Je t'invite en strip club ou je sais pas comment ça se passe. Alors, mais en tout cas, voilà, il est finaliste. Je vois pas trop dire quoi là-bas, tout va inviter ses coéquipiers en strip club. Eh ben, on ne sait pas. On sait que Kawhi Leonard apprécie ce genre de lieu. C'est vrai. Il avait été pris une fois en flagrant délit de... C'est vrai ça. C'est assez... Je sais pas sur quoi ça se... Faudrait leur demander. Bon, tu penses qui serait ton favori là? Qui vois-tu gagner sur ce genre de... Tu sais que j'y ai même pas réfléchi. Enfin, pour moi... Qui serait le coéquipier de l'année? Jalen Brunson parce qu'il fait des podcasts. Et il invite... Il invite beaucoup de monde. Ouais, peut-être que ça peut jouer. Enfin, il invite beaucoup de monde. Il invite beaucoup de Knicks surtout. Ouais, ou son propriétaire. Je l'ai pas encore regardé avec le proprio. Je sais pas si tu l'as regardé? J'ai pris quelques brides un petit peu de cet épisode, de ce podcast, The Roommate Show. Bon, il revient sur le fameux trade qu'il aurait aimé voir sur Vince Carter. Voilà, mais non, j'ai pas eu l'occasion. Beaucoup de contenu et j'attends souvent l'intersaison pour rattraper mon retard. J'aimerais savoir justement s'il parle du marasme des années 2000. Est-ce qu'ils lui ont posé des questions ou... Il y a quand même toujours cette barrière. Toujours de la bienveillance. Employé, voilà. employeur, où en fait, tu vas pas le taquiner en disant « Alors, c'était bien le merdier avec Thomas !» Bon, alors, je sais pas si... Autant il a parlé du trade qu'il aurait aimé voir, qu'il a regretté, mais est-ce qu'il a regretté certaines signatures effectives? Je sais pas s'il l'évoque. Quoi. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, il n'y a pas eu de grosses déclarations qui sont sorties post-diffusion de cet épisode, qui est encore disponible. Non, je crois que c'est plutôt bienveillant et voilà, il n'y a pas trop de... C'est pas le genre de la maison de Josh et JB. Des podcasts où ça flingue, où ça balance des techs et où ça veut faire du clic, il y en a d'autres, mais c'est pas chez Linux, quoi. C'est pas chez Linux. Ah tiens donc, on parle d'un podcasteur, mais il y en a un autre aussi podcasteur. Et alors lui, est-ce qu'il sera le podcasteur de l'année? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça y est, c'est officiel. Carmelo Anthony est donc un Hall of Famer. Il était dans la shortlist et on attendait voilà, à coup sûr qu'il soit officialisé Hall of Famer. Ça y est, ça a été annoncé, ça a été déclaré. Carmelo Anthony sera bien de la QV 2025 des Hall of Famer. Voilà, il sera bien entouré, encore une fois, avec Dwight Howard. On en parlait il n'y a pas très longtemps, hein, en comparaison avec Moses Brown. Mais bon, Carmelo Anthony, Hall of Famer, ça ne nous surprend pas. Il y a des accomplissements, il y a une carrière, il y a un CV. Il n'y a peut-être pas de bague, il n'y a peut-être pas assez de finale NBA. Juste une finale de conférence avec les Nuggets. Alors, Carmelo Anthony... Faut pas oublier que c'est le Hall of Famer NBA FIBA. Oui, aussi, du basket. C'est pas que voilà. De la NBA. Donc, et on voit entre autres des coachs. Là, il y en a voilà. Billy Donovan, qui était plutôt un coach victorieux avec Florida. Il a rapporté trois Olympiades. Oui, aussi. Ouais. Il a été pendant longtemps le meilleur marqueur de l'équipe des États-Unis. Et même si sa carrière FIBA est plutôt exemplaire et plutôt. On va dire victorieuse. Hein. Il faisait aussi partie de la déroute à Athènes avec LeBron, Marbury. Bon, après, et à sa décharge, à l'époque. Les rookies n'avaient pas des matchs joués. Oui, oui. Mais il faisait partie aussi de cette équipe qui avait été un peu la honte du pays à l'époque, lors des Olympiades. Il y avait aussi un championnat du monde, je crois, qui avait été assez compliqué pour eux derrière. Mais au-delà de sa carrière FIBA, qu'on peut reconnaître comme étant plutôt dorée, sa carrière NBA, tout de même, a quelques accomplissements à titre individuel. Après, c'est un Hall of Fame individuel. Si on récompensait que des champions, bah, il y aurait plein de joueurs qui n'y seraient pas. Et on verrait un Robert Horry, par exemple, ou un Derek Fisher entrer Hall of Fame. Donc, il faut savoir aussi... Il y a Mitch Richmond. Hein, donc, ouais, mais il y a d'autres... voilà. Donc, voilà, sa place, elle est tout à fait... elle est tout à fait Hardaway, en termes de Hall of Fame légitime. Et voilà, il y en aura comment dire, une promotion avec aussi un propriétaire, le propriétaire du Heat qui fait son entrée au Hall of Fame. Je sais pas si c'est le premier propriétaire. On avait pris un peu par surprise l'entrée des fans la saison dernière en tant que Hall of Fame avec Spike Lee, avec Billy Crystal, et puis j'en oublie un autre, enfin deux autres même. On avait pris ça un petit peu avec de la surprise. Bah là, voilà, il y a le propriétaire du Miami Heat qui fait son entrée Hall of Fame. Il n'y avait pas pourquoi, je sais pas quel est les critères d'appréciation pour le coup. Le supporter d'origine indienne de Toronto. Non, il n'y était pas. Autrement, là. Non, il était non, pas. Non. Alors, c'était pas sinon le supporter numéro 1 des Lakers. Non, il n'y a pas Jack Nicholson. Il n'y était pas. C'était celui de. C'était Billy Crystal, celui qui est plutôt c'est les Clippers. Supporter des Clippers. Donc Spike Lee et j'en oublie deux. Je sais plus. On les retrouvera en tout cas. Mais voilà. Là, cette saison, Melo sera accompagné d'un propriétaire, le propriétaire du Heat. Ah ouais. Pourquoi et c'est pas quoi son nom? Pourquoi pas? C'est pas Mickey Harrison? C'est pas. J'aurais dit ça. Et pendant que tu confirmes. On va balancer une autre news, c'est Melo Bah oui, c'est encore Melo. Encore Melo, toujours Melo. Bah oui, Melo, au-delà d'être podcasteur, anciennement basketteur, champion FIBA, j'allais dire NBA, n'importe quoi, champion NCAA aussi, eh bien, Melo, il se verrait bien propriétaire. Bah oui, pourquoi pas. Alors, peut-être pas propriétaire majoritaire, peut-être plus dans un consortium d'actionnaires, comme a pu le faire, entre autres, D-Wade, hein, qui a quelque part au Utah Jazz. Eh bien, Melo, il se verrait bien propriétaire des Washington Wizards. Pourquoi pas, une franchise sûrement qui serait à un prix un peu plus bas que les Boston Celtics, qui ont été vendus à un peu plus de 6 milliards il y a quelques temps, il y a quelques semaines de ça. Mais ouais, voilà, Melo se verrait bien propriétaire. À voir, pourquoi pas. Hein. Il a vécu du côté de Baltimore, Baltimore qui est dans la banlieue large, on va dire, de Washington. As-tu retrouvé notre Mickey Harrison ou pas? Alors, par contre... Je me trompe, c'est pas lui, c'est pas ce nom-là. Jack Nicholson, il y était, mais il était absent. Mais il a été dans la promotion. Après, c'était Alan Horwitz, supporter des Philadelphia Sixers. Bravo à lui. Et a rejoint dans la galerie James F. Goldstein en tant que super fan. Ensuite, je ne sais pas de quelle équipe. Parce que là, je suis sur... De la NBA au sens large. Le super basketix. Ah, moi, je kiffe toutes les équipes. Ah, bah, moi, j'ai un maillot de tout le monde. Je supporte tout le monde. Voilà. Voilà, sinon, les gens qui l'accompagnaient, notre cher ami Spike Lee. Quoi. Spike. Voilà. Et Mickey Harrison, non? Alors, propriétaire, bah, je vais te dire ça. Du coup, j'étais sur... Et je sais pas s'il y a d'autres propriétaires NBA. Imaginez-vous, James Dolan, entré au NBA. Ouais, c'est ça. Ouais, bizarre. Ouais, bizarre. Mickey Harrison. Ouais. C'est ça, tu as pourquoi raison. Pas. Et, alors Melo propriétaire des Wizards, tu crois pas? Après son achat du Heat en 94, il a réussi à convaincre Pat Riley de quitter les Knicks. Ouais. Voilà. On s'en rappelle. Depuis 1994, il possède. Bel investissement, et je sais pas s'il vendra un jour, mais en tout cas, il devrait faire une belle plus-value financière. Ah, j'aurais aimé savoir combien il a acheté. Ça va pas être le même. C'était plus du tout les mêmes sommes. Et donc, Melo, notre ami Melo. Est-ce qu'il va acheter une franchise? Est-ce qu'il va devenir propriétaire des Wizards? T'y crois, toi, ou pas, toi? Bah, après, comme on en parlait en off, le lien est pas flagrant entre D-Wade et les Utah Jazz. Ouais. Tu vois, qu'est-ce qui rattache D-Wade aux Utah Jazz? Bah, rien. Il n'y a pas joué, il n'a pas joué. Il n'y a pas de la Marquette, il n'est pas de la Chicago. Région. Lui, en plus, il était plus joueur de la conférence Est, donc pas joueur de la conférence Ouest. Encore, je te dis, tu sais, que c'était un kiff. Bon, en attendant, il a des parts là-dedans. Une opportunité business, quoi. Ouais, alors peut-être qu'il y a une opportunité business avec Washington. Tu vois, regarde, on parlait l'autre jour, la semaine dernière, Wallis Verziak, qui est commentateur au MSG Network pour les New York Knicks. Alors qu'il y a jamais joué. Ouais. Tu vois, c'est pareil. Le lien est pas flagrant. Bon, eh ben. Après, c'est un boulot. Il est payé pour être dans les médias. Oui, bah là, peut-être, comme tu dis, bah là, il est. Ouais, mais d'accord, mais il est payé, mais. Ça reste du business. À un moment donné, il a dû pas. Il a dû envoyer un CV, le mec, pour dire, ben moi, en fait, j'ai tout. Je sais pas comment ça se passe. J'ai toujours été fan d'Enix, tu vois. Bon, ben peut-être. Ben peut-être que après. Après, tu te dis, bon, c'est vrai que d'un côté, à Charlotte, il était de là-bas. Enfin, en tout cas, il avait fait sa fac là-bas. Michael Jordan avec les Hornets. Ok. Ouais. Là, le lien n'était plus, même s'il a connu des déboires. Mais là, Washington, pour Melo, bah, écoute, moi, je dis, tout est possible. C'est peut-être une opportunité business. On sait qu'il aime plutôt diversifier ses actifs voilà, dans différentes marques. Après, est-ce qu'il a... Après, ils ont des contacts, les mecs. Mais là, il faut quand même connaître du monde. Hein. Faut connaître, Ouais. Puis il faut quand même sortir un chèque. Quoi. Ben, c'est ça. Hein, le petit chèque de caution. Donc, je sais pas. Affaire à suivre, en tout cas. Après, pour voir si ils font l'achat avant ou après la draft de Cooper Flag. Parce que c'est peut-être que le prix sera pas le même non plus. est-ce qu'il va se présenter? Ça, on sait pas non plus. Hein. Oh, il y a des gens qui disent que... Moi, je pourrais peut-être empiler une saison à Duke. Moi, j'y crois pas. Je vais t'expliquer pourquoi j'y crois pas du tout à ça. Ben, parce que, en fait, tu vois, là, il est sûr d'être top 1 ou top 2. Même si tout le monde le met top 1 de draft. Il est sûr. Tu vois, c'est pas. Une fois, on avait parlé de. Je crois que ça avait été Grimes ou quoi. Tu vois, le mec, finalement, il était redescendu en MOC et était au deuxième tour. Là, tu sais que le mec, c'est un contrat à Oui. des dizaines de millions de dollars qui se profile. Est-ce qu'il va prendre le risque pour un titre NCAA de rempiler l'année prochaine et de te péter? Parce que tu peux te faire. Tu peux, pourquoi pas. Je lui souhaite pas. Mais tu peux, pourquoi pas, te faire les croisés avant de signer C'est pro. assez rare. C'est Et assez rare ce que. là, dans ces cas-là, paf, t'es bagué. Enfin, t'es bagué. Non, tu l'es pas. Mais c'est une façon de parler. Moi, c'est pour ça que je pense que là, il est annoncé au top 1. Je le vois pas du tout dire non, non. En plus, il n'y a rien qui garantit que l'année prochaine, il gagne le titre. Ouais, Donc, même juste si Duke, ça reste souvent un beau programme, ouais, c'est pas, mais. c'est compliqué ça. Il reste une partie d'aléatoire en Exactement. NCAA. Donc, écoute, ils sont allés en finale. En demi-finale, par contre. Alors, en plus, c'était un peu dur. Hein. La faute qui lui siffle. Bah, moi, j'ai pas trop pigé pourquoi il avait fait siffler sa faute. Enfin, bref. Maintenant, malheureusement, bah, ça s'est terminé pour lui. Moi, je pense que je ne vois pas ce joueur ne pas se présenter à la draft et ne pas être numéro 1 draft. Personnellement. Affaire à suivre, mais effectivement, c'est rare que des joueurs Prendre un tel projetés risque. assez haut Ouais. fassent l'impasse. On pense à Joakim Noah, mais il n'était pas non plus Non. projeté top Là, on 1. parle d'un top 1, quoi. On parle d'un top 1, et puis les contrats n'étaient pas du tout les mêmes que maintenant. Les contrats d'un top 1 draft, je te dis, c'est des dizaines de millions. Je sais Donc. pas, avec une année de plus où il va gratter beaucoup, beaucoup. Et je sais pas, enfin Non, l'argent n'est pas et puis forcément un élément de c'est choix prendre un le risque. concernant. C'est prendre un risque. Tu te fais mal au dos, tu as une grave blessure. Regarde un Oui, petit peu la petite joueuse. C'est quoi? C'est Juju, comment ça s'appelle? Watson? Watson? Ouais. Qui était annoncé, je crois, d'un top 1 de draft. Elle s'est fait les ligaments croisés. Elle n'a pas pu jouer la finale hier NCAA pour les filles. Donc, tu vois, enfin, il y a quelque chose de tellement aléatoire. Tu vas prendre un risque? Je pense pas. Affaire à suivre, est-ce que Melo va devenir le propriétaire de Cooper Flag? Eh ben, il va falloir de la loterie, que Melo paye. Bon, on verra, Et on en reparlera. On en reparlera. en plus c'est le même poste que Jeune Mello. Donc Ouais. bon, Mais Melo, lui, il était champion NCAA. Et ouais, pourtant, c'est vrai. voilà. Et depuis, Une année, one and done. a jamais reconnu le succès. Je sais même pas s'ils sont retournés en Final Four après Syracuse. Compliqué, compliqué. Allez, un qui, pour le qui, les histoires de contrat, bah, ça se passe pas si mal. C'est PJ Tucker. Bah oui, son 10-day contract avait été renouvelé une fois, mais pas deux. Voilà, on se demandait, on s'est dit, ah, peut-être c'est fini, qu'est-ce qui se prépare? Et ben non, finalement, il a signé un contrat. Alors, on n'a pas tous les détails de ce contrat, mais semble-t-il, il y a une seconde année en option. Et PJ Tucker, bah voilà, fait toujours partie du groupe. Voilà, fait toujours partie du groupe d'Enix. Mais qu'est-ce que. Il permet d'exposer ses différentes sneakers. Il les utilise pas trop en ce moment, hein, ou peut-être juste pour l'échauffement, mais PJ Tucker fait partie du groupe. Alors bon, il y a des raccourcis qui ont été faits quand les Bucks avaient rapporté PJ Tucker dans le groupe, après ils avaient été champions NBA. Bon, en fait, PJ Tucker, il a fait aussi beaucoup de franchises, et il n'a pas été champion partout, sinon, bah voilà, il aurait été beaucoup plus bagué que ça. Mais voilà, bah, Alors. c'est une signature Ouais. qu'on a du mal un peu à comprendre, parce que c'est pas un joueur qui va apporter sur le terrain son côté leader vocal. Bon, Il a on signé n'est un pas dans les vestiaires, contrat. hein, mais... Il a signé un contrat. Donc là, il est garanti jusqu'à la fin de la saison à 246 000 dollars. Ouais, Et, faut être en basket. en fin de saison, il a donc une option équipe. Une option équipe, ouais. À 3 Franchement. millions et demi. Alors, est-ce que c'est de la thune qui est réfléchie pour balancer dans un trade? Peut-être pour équilibrer Pour un truc, histoire de balancer dire ah ben un. on vous donne 3 Quoi? millions Est-ce que Léon Rose, il avec sait. un PG à 40 balais quoi. Voilà. En fait, bah, en gros, pour matcher des salaires, il te faut un peu du cap filler. Et là, bah, tu peux rajouter un PJ Tucker comme finalement. Il avait été rajouté du Bojan Bogdanovic pour Mikal Pour Bridges. Mikal quoi. Parce que sinon, si c'est pas en vue de quelque chose, je ne 3 comprends. millions pour un joueur qui est au bout du banc, bah Ouais, c'est bien. et puis C'est surtout, c'est bien. pourquoi lui faire signer un contrat 1 plus 1? Enfin, tu vois, c'est quoi l'intérêt si t'as pas une vision un peu plus long-termiste? Des fois, il y a des moves business, effectivement, qui nous dépassent un petit peu, qui sont en vue de faire d'autres moves derrière. Voilà, donc Léon Rose, moi, je lui fais confiance là-dessus d'avoir réfléchi à quelque chose. Ils ont pris en tout cas leur temps pour, un, aller le chercher dans la saison, pour leur, lui mettre mais deux ça, des contrats. Mais ça voudrait dire avoir vendu la sauce aussi au joueur en lui disant écoute, tu restes ici. Tu prends ton cash et puis. Ouais. On te fait signer un dernier contrat, on lèvera l'option. Par contre, attends-toi à bouger durant l'été, tu feras sûrement partie d'un trade. Ouais, et puis on voit l'âge du joueur, on sait aussi qu'il est moins en rythme de compétition par rapport à d'autres. Mais tu vois, il faut se mettre même à la place du mec, de PJ Tucker, même si tu sais qu'à 40 piges, on va te dire. Oh, mais tu putain, prends quelques billets de plus. Mais... Ma vie est désormais être une. Ma vie est être une monnaie d'échange. Voilà, je suis une monnaie d'échange à 3 millions et demi de dollars. À ce prix-là, on l'est tous. Franchement, on l'est tous. Ouais. Bon, de monnaie d'échange, bah, peut-être qu'on va devoir en parler. Bah oui, parce qu'il y a une sorte de rumeur là qui est apparue. Alors, on sait que la saison des Phoenix Suns, elle est quand même bien galère. D'ailleurs, on les a affrontés dans cette nuit de dimanche à lundi. On parlera du match tout à l'heure. KD, bah, il est encore blessé. Ouais, il accumule un peu des pépins, beaucoup de temps de jeu, des minutes avec un âge déjà avancé. Et puis, une équipe qui ne réussit pas à atteindre des objectifs qu'elle aurait pu se fixer. Bref, ça sent le départ pour KD. Ça ne s'est pas fait lors de la trade deadline. Pourtant, il a été courtisé. Et semble-t-il, les Knicks étaient pourquoi pas dans une shortlist. Bon, il y a de l'hypothétique. On sait aussi que les Knicks, c'est souvent un levier pour faire monter les enchères, pour donner un petit peu de visibilité sur une destination potentielle. Mais bon, KD à New York en 2025-26, vraiment ah. C'est un petit peu curieux tout ça. On verra. En tout cas, on s'attend à ce que Kevin Durant fasse ses valises, ne reste pas dans l'Arizona, même si ces derniers jours, il a été émis qu'il pourrait rempiler avec les Suns. C'est à ne plus rien y comprendre côté des Suns. Mais en tout cas, c'est un joueur qui pourrait faire ses bagages, qui pourrait intéresser des équipes. Est-ce que c'est un joueur qui pourrait intéresser New York? On a encore vu les photomontages Photoshop avec KD, un maillot d'Enix sur les épaules. Bon, c'est pas un joueur anecdotique, c'est pas n'importe quel joueur. C'est un bon joueur, certain. C'est un joueur qui commence à être âgé aussi. On parlait de PJ Tucker à 40 ans. Et ben, notre ami KD s'en rapproche des 40 ans puisqu'il en a 36, 37. Je sais pas s'il a 37 déjà ou s'il s'en rapproche. Mais il n'est plus du tout dans sa première jeunesse. Oui, ah oui, il est encore capable de faire de belles choses. Le prime est passé, oui. Mais on le voit aussi en termes de leadership, c'est compliqué. En termes de... Est-ce qu'il fait gagner son équipe? Bah, Brooklyn, ça n'a pas forcément été aussi loin qu'ils auraient espéré du côté des Nets. À Phoenix, bah, pour l'instant, ce n'est pas forcément une franche réussite non plus. Il a 36 ans et 190 jours. D'accord, donc il s'approche des 37. Les 37, le 29 septembre. Voilà, donc à l'entame de la prochaine saison régulière, il aura réellement 37 ans. Voilà, est-ce que les Knicks vont devoir encore faire un move? Qui, quoi, comment? Pour un gros joueur avec un gros contrat? Compliqué. Moi, je suis pas fan de l'idée du tout, du tout, du tout. Je pense que. Il y a eu l'opportunité à un moment donné, et c'était avant l'arrivée des Julius Randle et compagnie, de faire venir KD. Les Knicks avaient fait vraiment la place en termes de terrain contractuel, et même en termes d'effectifs. Tout était à construire autour de ce gros joueur que pouvait être Kevin Durant. Il a opté pour une autre adresse, un petit peu plus loin, dans un autre borough, et finalement, pour le résultat qu'on connaît, aujourd'hui, les Knicks ont un projet qui est ce qu'il est, crédible, en tout cas qui s'inscrit dans le temps avec des saisons où les playoffs s'enchaînent les saisons après les saisons, où on parle bien sûr, et on en a parlé en ouverture des émissions, de deuxième saison régulière à plus de 50 victoires. Et ben voilà, est-ce qu'il faut venir encore casser un petit peu tout ça, une dynamique qui peut s'installer avec un autre gros joueur que serait KD, perdre de la profondeur de banc, perdre des joueurs type OG Anunoby, Mikal Bridges, pour un KD? Non. Franchement, moi, j'ai pas envie d'y croire. Je vois pas pourquoi Léon ferait ce genre de move. En tout cas, pas avec ce joueur-là aux Suns. Toi, t'en penses quoi de cette énième rumeur de oh, KD à New York? Ça avait dû à New York. KD au Knicks. Si ça avait dû se faire, ouais, au Knicks. Si ça avait dû se faire, justement, ça aurait été lors de la saison 2020-21. où là il a décidé de partir avec tous ses poteaux. 19, non, 19. C'était à l'été 2019, ouais. C'était l'été 2019. 2019-2020. Ouais, enfin, je dis ça parce qu'il a pas joué parce qu'il était blessé durant cette saison. Ouais, il a fait une saison blanche après. Il a fait une saison blanche. Mais ouais, si c'était à l'été 2019, puisque nous, à cet été-là, on fait venir Julius. On se rabat sur le plan peut-être B ou C. Donc si ça avait dû se faire, ça aurait été là. Maintenant, je crois que c'est beaucoup trop tard. Comme tu l'as dit, le joueur est beaucoup plus vieux. T'imagines que quand tu regardes un petit peu justement ces saisons, donc quand il arrive à Brooklyn, il a 31 ans, donc il joue pas. La saison d'après, il fait 35 matchs. La saison suivante, 55, 47, 39, 8. Quand il arrive à Phoenix, il en fait 8. Ensuite, il fait 75 et 62. Et là, il a à nouveau pété. C'est un problème de cheville ou bon, c'est pas une grosse blessure, mais ouais, ceci dit, il enchaîne quand même les pépins. 37 ans. Et quand on parle souvent avec Tom Thibodeau de gros temps de jeu, lui aussi a un gros temps de jeu. Et au-delà de ça, au-delà des qualités de basketteur, moi c'est l'homme qui me pose problème. Ouais, il a trop chié sur les Knicks. Accessoirement. Il a mal parlé de la franchise. Je veux dire, à un moment donné. KD, merci, mais non merci. T'as pas voulu venir, t'as voulu partir à Brooklyn. Maintenant, écoute, tu auras ton petit passage de 3 années là-bas, enfin 3 années effectives là-bas. Moi, je pense que ça se fera pas parce que, comme tu dis. Qu'est-ce qu'il lui reste comme contrat, lui, là? Il se finit cet été? C'est quoi son contrat, lui, là? Ouais, d'ailleurs, il y a sûrement à prolonger, et puis pas un petit prix. Hein. On va pas parler d'un joueur à 30 millions de dollars, on va parler d'un joueur à 50, 60 millions de dollars. Ouais, mais son salaire, il va bien moins décliner, comme son âge, quoi. Enfin, je sais pas. On verra, en tout cas. Je pense qu'il a encore des prétentions, je pense qu'il a encore une ambition de durer. Il lui reste une année l'année prochaine à 54 700 000. Et après, il est, pour ses 38 ans, il est free agent. Et je pense pas qu'il ait un contrat à 50 patates quand même. Ou alors, on est des. Enfin, la NBA marche au moins sur la tête. On est tous fous. Je sais pas, on verra. Hein. On verra. On sera sûrement étonné peut-être du montant du contrat qu'il va pouvoir décrocher. Peut-être moins. Non, peut-être un peu comme Chris Paul, tu sais. Moins à la saison, mais plus en longueur. Ouais, mais alors, tu vas re-signer un mec à 38 balais avec des problèmes physiques à tout va? Non. Moi, je pense que ça se fait pas. Et puis, pas une garantie de t'amener au titre. 54 millions, quoi. c'est le salaire de Carl Anthony Towns. Tu peux pas non plus. Il y a un salary cap à un moment donné. Ouais. C'est ça. Donc, Et des histoires d'Epron et compagnie. Un effectif à construire. Là où à Phoenix, malgré un Booker, malgré un Bill qui a été récupéré, mauvais choix, sûrement. Ça a été compliqué de construire un effectif autour de ces joueurs start grassement payés. Du coup, est-ce qu'il faut entamer un move de ce type où on perdrait en polyvalence, profondeur de banc, si on peut parler d'une profondeur de banc aujourd'hui côté Knicks ? C'est vrai que quand tu regardes le contrat de Devin Booker, ça veut dire que l'année prochaine, tu aurais deux joueurs à plus de 57 millions à Phoenix, quoi. Ouais, pour une équipe qui va peut-être même pas faire le play-in. Il faut pas, c'est officiel. Enfin, avec la défaite d'Enix infligée cette nuit, ils ne feront pas le play-in. Donc c'est beaucoup d'argent mis pour un retour sur investissement. Comme Philadelphie. Oui, mais Philadelphie, limite, on peut se dire, on a enchaîné les blessures de un tel. On peut leur trouver, entre guillemets, des circonstances atténuantes. Là, il n'y a pas de telles blessures sur la saison. C'est quand même au rayon des flops, il a eu des périodes blessées aussi durant durant cette saison. Il y a plus de matchs joués que Joel Embiid, ça assurément, mais voilà. Par contre, il faut regarder le petit appel du pied très rigolo du pied. de Devin Booker cette nuit, justement, qui portait une paire de baskets avec Custom. le Nike NYC NYC. sur la chose. Donc, le même que les Knicks portent lorsqu'ils ont le maillot, je crois que c'est Bah, il l'avait justement cette nuit, le City Edition, avec Voilà. Donc, on le sait que NYC. Leon Rose a été son agent, comme il a été l'agent de beaucoup. On sait que c'est un proche. Comme tu l'as, comme on se le disait, il est de la même fac et de la même période que Karl Anthony Towns. Voilà, donc il y a pas mal de liens. Il y aura peut-être du mouvement dans l'Arizona cet été. Est-ce qu'il y aura beaucoup de mouvement? Un peu de mouvement? Moyennement de Et mouvement? attends, mais tu sais que cet été, ça peut être un été quand même assez faux, parce que tu peux avoir mon Kevin Durant Entre qui joue. Giannis qui va partir. T'as vu le merdier que c'est à Denver aussi, avec les déclats cette nuit? Et t'es pas à l'abri aussi, pourquoi pas? Ça m'étonnerait. Mais qu'un Jokic ait des velléités de départ, là encore ils ont perdu encore cette nuit. Durant, enfin, t'as tellement de. Cet été, ça peut être un été de tous les moves. Ça peut être rigolo. Hein. Cet été peut être rigolo, vraiment. Hein. Ça peut être. Voilà. Il y a des projets qui seront déçus. Est-ce que les Knicks feront partie des projets qui auront déçu Paul et George? auront envie Paul George aussi de faire des peut-être? moves? Qui voudra de lui et de son gros contrat? Un gros contrat et il est signé, on le sait. Ah, lui, il est Mais signé. voilà, peut-être que dans tout ça, bah, le petit contrat signé par PJ Tucker à 3 millions, il servira à un moment donné. On verra. On verra. En tout cas, chaque chose en son temps. L'intersaison, on en parlera. On aura l'occasion d'en faire des émissions. Là, on va revenir un petit peu plus sur du concret et moins de la science-fiction sur les matchs des Knicks. Eh bien oui, on a parlé de 50 victoires en régulière. Bah, il y en avait quelques-unes à aller chercher cette semaine. Il y avait 4 matchs au programme. Paul George, bah, on l'a pas vu. Tyrese Maxey, on l'a pas vu. Joel Embiid, on l'a pas vu. Gershon, on l'a pas vu. Qui d'autre qu'on n'a pas vu aux Sixers dans Drummond, André Drummond, on l'a On pas a plus bien vu. vu Quentin Grimes, là, par contre. On a vu Quentin Grimes, voilà, en ce moment, lui, et qui a aussi un contrat à aller chercher cet été. Bah, il se donne toutes les chances de son côté pour pouvoir taper dans l'œil Ah, de différents je suis GM. content pour lui, j'ai. Tant mieux pour lui, il peut performer, mais heureusement, les Knicks s'en sont sortis comme il fallait avec une victoire de plus. C'était la 48e de la saison régulière, c'était au Madison Square Garden. Un match bah, finalement qui s'est bien passé à New York avec une victoire 105 à 91, même si ça n'a pas été aussi facile que ça. Hein. Il a fallu un petit peu s'employer. OG Anunoby en ce moment marche sur l'eau, écrase des têtes dans les raquettes. Claque des Tomars a pu savoir quoi en faire pour squatter les top 10. On a même vu Mitch Robinson faire un Eurostep. Oui, Voilà, oui. qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Sur ce match, on n'avait pas Karl Anthony Towns. C'était la première titularisation, je crois, de la saison de Mitchell Robinson en son absence. On l'a dit la semaine dernière, il y avait deux back-to-back et on attendait de voir si Mitch allait faire tous les matchs d'un back-to-back. Bon, spoiler, non, ça n'a pas été le cas. Hein, il n'a pas joué plus de matchs que ce qu'il est autorisé à faire pour son retour à la compétition. Et donc les Knicks bah, ont plutôt maîtrisé leur adversaire sans non plus les écraser. On est sur un match qui commence avec un 35-26. Donc voilà, un bon petit niveau de scoring d'entrée de jeu. Une mi-temps qui se ramène à 59-42. Donc voilà, des adversaires à distance respectables, mais pas non plus de quoi fanfaronner. Et finalement, bah, les Sixers ont plutôt accroché les Knicks. Il y a des petit trou d'air par moment, et il y en a encore eu dans ce match-là, des périodes où ça score plus. Bon, ça arrive, et pour dire, arrivé dans l'entrée du quatrième quart-temps dans le Money Time, on n'a que 10 points d'avance, 80-70. Il y a eu un petit coup de mou à un moment donné de la part des Knicks. C'était le premier match du back-to-back. Il n'y a pas ce côté fatigue qu'on pourrait logiquement attendre sur un second match de back-to-back. Ils étaient à la maison aussi, donc bien reposés, ils ont dormi dans leur lit la veille. C'était parfait normalement. Eh ben non, les Knicks ont dû se réemployer. Alors derrière, ils ont pu compter sur un Landry Shamet, entre autres aussi, qui s'est montré à Bah, son aise. entre autres, ouais, plus qu'entre autres, quand même. Avec 20 points sur ce match, 20 points Entends. en sortie de banc. Voilà, 6 sur 11 à 3 points. Landry, là, il était chaud. Je crois qu'il a joué aux Sixers. Hein. Il a joué aux Sixers, Landry Shamet. Il a fait pas mal d'équipes. Il me semble qu'il est passé par les Sixers. Voire, il a peut-être été drafté par les Sixers, si je dis pas de bêtises. Je crois, Mais donc, je crois en effet, ouais. il a permis dans ce quatrième carton de redonner le coup de pouce nécessaire Tout pour à fait. s'imposer et Il a été même finalement remporter tradé cette en rencontre. cours de saison rookie. Aux Clippers, Ouais, après? ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, donc 48e succès en régulière et un sweep aussi face aux Philadelphia Sixers. Cette saison, les Knicks n'auront pas perdu face à Philly. Voilà, on les avait éliminés au printemps dernier en playoff. Voilà, et bon, ben après, là, cette saison. Particulière pour eux aussi. Hein. Ouais, ouais, ouais, une saison à oublier pour les fans de Philadelphie. Et au côté des Knicks, bah non, voilà, on a pris cette victoire qu'il fallait prendre pour bien lancer le back-to-back. Bon, un match sur lequel pas grand-chose à dire, si ce n'est effectivement la belle contribution de Landry Shamet en sortie de banc. Là où Precious, voilà, 27 minutes, 2 points, 1 sur 11. Il a les mains carrées, quoi, Precious. Hein. C'était pas le bon Precious, quoi. Kevin Maculard qui joue 3 minutes. Ouais. Voilà. Voilà. Tyler Colek en fait 20. On l'avait entre guillemets critiqué, Tyler Colek, en disant bon, c'est bien d'avoir un peu ton temps de jeu, profites-en parce que ça va peut-être pas durer. Mais il va falloir aussi que tu te montres un petit peu au scoring. Bon, on a 7 points sur ce match de ouais, Tyler Colek. 7 points, 7 passes. Il manquait plus que 7 rebonds. Non, il en était à 4. Bon, par contre, il prend 5 fautes. Voilà. Et, métier qui rentre, la jeunesse. Des fois aussi les arbitres qui sont moins cléments avec les rookies. Et 20 minutes de temps de jeu pour le backup. Parce que le titulaire au poste 1, c'était Delon Wright. 12 points. Une belle petite production. Sans forcer, sans faire de vagues non plus. Mais en tout cas, il a été présent. J'ai bien aimé Delon Wright. J'ai bien aimé sa défense. J'ai bien aimé son jeu. C'est un joueur qui te fera pas des miracles. Non mais il a bien dépanné sur ses passages quoi. Mais voilà, tu sais qu'est-ce que tu auras avec ce type de mec. Donc voilà. Donc non. Bon, après c'était un match à gagner, il fallait le gagner, tu l'as gagné. Ouais. On va pas... Ça peut être un match piège parce qu'un soir où t'as pas d'adresse, où tu rends les ballons assez vite, tu peux relancer ton adversaire. Et c'est ce qui s'est un petit peu fait dans ce troisième carton. Mais il y avait quand même voilà, une équipe fortement diminuée côté Philadelphie. Et pour ce match où il est titulaire, Mitchell Robinson, 21 minutes. Donc on sent qu'il y a quand même une restriction et une attention portée sur son retour à la compétition. Et un double-double, 14 points, 14 rebonds. Bah voilà, là aussi on est dans l'alignement des chiffres. Deux fautes et des pourcentages. Bon, bah de toute façon c'est Mitch, hein, donc c'est proche du cercle. Et des lancers francs. Il met ses lancers francs aussi. C'est plutôt intéressant qu'il mette ses lancers francs. Il les aurait travaillés pendant sa longue période de convalescence, j'espère en tout cas. Mais voilà. Et puis OG Anunobi qui termine meilleur marqueur de la rencontre côté Knicks avec 27 points à 7 sur 16 au tir, 2 sur 9 à 3. C'était pas son soir le plus adroit à longue distance. Mais en tout cas, voilà, il a encore impressionné par son envie d'aller vers le panier. Et c'est ce qui caractérise son passage en ce moment depuis l'absence de Brunson. C'est le joueur qui s'est un peu révélé. OG Anunobi. Bon, OG, on va le retrouver aussi sur le match qui a suivi. Le deuxième match de back-to-back. Là, c'était un déplacement dans l'Ohio. Les Knicks qui démarrent bien cette rencontre. Une bonne première mi-temps. Avec peut-être plus de réussite, plus d'adresse que les Cavs. Les Cavs qui... On va pas dire qu'ils doutaient, mais ils ont eu des résultats un petit peu moins convaincants avec des défaites laissées en route sur ces dernières semaines de la saison régulière. Et les Knicks qui ont bien démarré, on s'est dit peut-être que... Mais voilà, une mi-temps, c'est bien. Un match de basket, il y en a deux. Et la deuxième mi-temps, bah, c'était clairement moins bien. Les Knicks qui, à la mi-temps, sont à... je suis en train de chercher le score à la mi-temps. Je vais finir par le retrouver. Ils sont devant, ils sont à 60-53. Donc 7 petits points d'avance face à des Cavs qui n'étaient pas voilà, dans la plus grosse de leur réussite. Et la deuxième mi-temps, tu la perds 71-45. Et voilà quoi. Donc bon, il y a la fatigue du back-to-back, c'est certain. Mais il y a aussi bah, des Cavs qui impressionnent, qui ont de la réussite, qui ont tout ce qu'il faut pour aller loin cette saison. On verra si dans une des saisons, une de leurs meilleures saisons en régulière de leur histoire pour les Cavs, si ça sera synonyme de grands succès en playoff. Ça là-dessus, c'est aussi maintenant qu'on va les attendre. En tout cas, les Knicks, bah, une fois de plus, s'inclinent face aux Cavs. Alors bon, si le score peut piquer encore une fois, hein, 105 à 124 à la fin de la rencontre, bon, il y a eu vraiment un match en deux temps. Hein. Une première mi-temps qui était bonne, et une deuxième beaucoup moins, et une défaite qui se... Et un écart qui se creuse dans le quatrième carton. C'est ça. Parce qu'à l'arrivée dans le Money Time, on l'attaque sur quel score? Je l'ai noté quelque part, je vais finir par le retrouver. 85-91, il n'y avait que 6 points de retard. Non, il n'y avait pas beaucoup. Hein. Mais on ne sentait pas l'Enix en capacité de recoller. Quoi. C'est ça. Il y a un moment chaud de Donovan Mitchell là, en début de quatrième qui nous met un éclat. Et puis tu sais que là, c'est fini, tu ne reviendras plus. Un peu comme toujours dans la saison, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que tu savais que quand d'un coup tu prenais un éclat, cette équipe n'avait pas forcément la force mentale pour revenir, et puis ben, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Un match où on a retrouvé Karl Anthony Towns, hein, il était absent sur le match précédent pour ménager son genou, donc là ça allait mieux d'un point de vue genou, hein. Il termine la rencontre avec 25 points, 13 rebonds, 34 minutes de temps de jeu, des pourcentages plutôt corrects, hein, 9 sur 16 au tir, 1 sur 3 à 3 points, il n'a pas abusé du tir à longue distance. Il shoot moins à 3 points là, ces derniers temps. Enfin, en tout cas, il a... Je trouve qu'il a... Alors, je sais plus si c'est sur ce match où il se fait mal au pouce ou au doigt, ou je sais plus, dans la semaine, là, il s'est encore abîmé le doigt. Là. C'est le match suivant, c'est le match d'hier, okay. D'avant-hier. Ok. C'est pas sur ce match-là, donc. Bon, il prend 5 fautes. On sait qu'il avait aussi une paire d'intérieur pas évidente à gérer avec Mobley et Jarrett Allen. Ouais. Mais bon, en tout cas, il nous fait une production statistique honorable. On n'en attendait pas moins de sa part, mais pas suffisamment, en tout cas, pour pouvoir porter l'équipe sur ses épaules. OG nous fait du OG. Cette fois-ci, un bon pourcentage à 3 points, 5 sur 8. 6 passes, 6 rebonds, 23 points. Bon. Rien à dire sur OG. Celui sur lequel on risque de pointer un petit peu du doigt sa prestation, ça va être Mikal Bridges, quoi. 36 minutes, 8 points, peu de shoot, il en prend 6. Mikal, quoi. Mikal a tendance à s'effacer et on avait eu un petit peu des espoirs au début quand JB était blessé, de se dire, ah bah, Mikal a l'air de se remettre en avant, a l'air de vouloir un petit peu compenser cette absence. Bah, sur ce match où on pourrait attendre de sa part une contribution, on n'attend peut-être pas une sortie à 40 points, mais 15, 20 points au moins, quoi, pour faire un vrai trio. Et ben non, le trio, c'est Josh Hart qui l'apporte avec 19 points, quoi. Et c'est pas Josh Hart sur lequel on attend beaucoup de scoring pour autant. Donc, Mikal. J'ai du mal avec la saison de Mikal. Mikal, ça lui arrive comme ça, d'avoir des trous d'air. D'un coup, là, il marque 8 points. Sur un match comme Philadelphie, contre les Lakers, il avait marqué 6 points. Ouais. Et puis après, derrière, il te fait des matchs à 22, puis 33, puis 28. Et puis. Il y a match et match. Sur un match comme ça, où on attend que l'équipe monte en niveau, ce qui n'a jamais été le cas face à ces grosses équipes de la conférence Est et au KC. Il n'y a pas Jalen Brunson. Il va falloir apporter une troisième menace, quoi. Et oui, Josh Hart, il va rentrer des paniers parce qu'il va être laissé un peu plus libre par les défenses adverses. Les défenses adverses connaissent la qualité de shoot de Josh Hart qui est moins bonne. Donc, lui laisse de la liberté. Et s'il en profite, tant mieux pour nous. Mais celui qui doit un peu créer, celui qui doit apporter une vraie menace offensive, c'est Mikal. Et autant... Si t'es un soir où il n'y a pas de réussite au shoot, bon, d'accord. Mais là, 3 sur 6 au shoot. Il a très peu été attaqué. Il n'a pas rentré son shoot à 3 points, mais il en a pris qu'un. Est-ce que dans le match, t'as pas réussi à un moment donné à te créer des opportunités, tes coéquipiers à te trouver? Pourtant, Karl Anthony Towns, il y a quand même une capacité de passe. Alors sur ce match, pas vraiment, hein, il est qu'à une passe. On a un Dylan Wright qui nous fait un 7 points, 6 passes. Donc voilà, il essaye d'apporter... Bon, c'est correct pour ce type de joueur. En sortie de banc, bon, là, Chamette, c'était pas son soir. Hein. Le soir d'avant, oui, 20 points, mais ce soir-là, que 5 points. Préchousse, mieux, hein. Pour le coup, lui, c'est pareil, il alterne le bon et le moins bon. Il nous fait 13 points, 6 rebonds. Il n'y avait pas Mitch, donc voilà, il se trouve peut-être mieux en compagnie, en relais de Karl Anthony Towns qu'en relais de Mitch, mais voilà... le joueur qui doit apporter, qui doit aider à faire gagner, c'est Mikal. Mikal Bridges, j'en parlais avec un pote la dernière fois. OG Anunoby fait ce qu'on attendait que Mikal Bridges fasse. Quoi. En termes de production et de régularité. Ouais, quoi. Et puis en termes de... tu le vois, il prend ses responsabilités quoi, sur le terrain. Quand il faut prendre un shoot, il va le prendre, tu vois. Quand il faut attaquer le cercle, il l'attaque. Tu vois quand même qu'il y a une évolution dans le OG Anunoby qui est arrivé au Knicks l'année dernière et celui de cette fin de saison-là, qui est beaucoup plus agressif offensivement. Et en fait, bah, je pensais que Mikal Bridges serait en fait ce mec-là. Et puis non. Alors bien sûr, un nouveau joueur dans un nouveau Oh, on dispositif, va nouveau arriver comme ça coéquipier. jusqu'à quand? Non, j'ai pas fini ma phrase. Oui, Bien mais... sûr, on peut se dire ça à un moment donné, mais là, sur bientôt 82 matchs, avec un temps de jeu conséquent, il a fait tous les matchs parce qu'il les fait tous, et là-dessus, bravo à lui. Mais sur ce match, Landry Shamet prend plus de shoots en moins de temps. 2 sur 7, 1 sur 5 à 3 points, il a plus shooté que Mikal. Mikal Bridges, Pas normal, c'est pas normal. C'est c'est pas le normal. petit, c'est le mec sympa. Il est voilà, il est Ouais. souriant, il est sympa. Ah, il défend, il Mais défend, il défend, ok. ouais, des fois, même s'il prend des Si, airs, il défend. ouais Oji, il fait quoi? Il fait des crêpes. Il défend aussi. Oji, il défend aussi. Et il met des gros tomards, il balance des grosses crêpes, effectivement. Donc, Mais en tout cas, voilà, dans le côté et il a pas le même offensif, impact défensif non plus, agressif. hein. Mikal, il est des fois, il est fantomatique par moment, et c'est ça qui est quand même problématique. Alors oui, il n'y a pas de JB pour faire Et bien l'honneur sur justement, le coup, parce qu'il n'y a pas mais Jalen t'as un Brunson Delon en plus. Wright, Tu te dis t'as un parce qu'il n'y a Delon pas. Wright. Tu te dis parce qu'il n'y a pas Brunson, normalement ça, il devrait avoir plus d'opportunités. Non mais voilà, le côté est-ce qu'il perd ses repères? Ben non, parce qu'il y a des matchs où t'as Alors, réussi à devenir une menace, quoi, en fait. il a fait une carrière sans lui, hein. Oui, non mais c'est Donc. ça en fait, je ne comprends pas pourquoi il est aussi transparent. Là, Alors on a ok, regardé back pour la to back. saison. Il a fait 6 matchs cette année où il a pris moins de 10 tirs. Le moins qu'il ait fait, ça avait été le 12 janvier contre Milwaukee. Il prend 5 tirs. Ensuite, donc, il y a 2 matchs où il en prend 6. Ben, c'est contre Cleveland, là, et contre les Lakers, aux Lakers le mois dernier. Ensuite, il y avait 7 tirs contre Indiana en février. En février, il fait un back-to-back. Il fait un back-to-back nul. C'est-à-dire 3 sur 7 au tir contre Indiana. Puis il Le enchaîne back-to-back, oui. avec un 5 sur 8 à Atlanta. Et il finit au 10 janvier contre OKC où il prend 9 tirs et il en met 0 à ce moment-là. Voilà, donc t'as 6 matchs cette saison où il a pris moins de 10 tirs durant les rencontres. Moi, ça reste une énigme par rapport à ça, et on connaît ses capacités, et on va le voir dans le reste de la semaine. Il a su rebondir, donc tant mieux. Il était peut-être dans un soir sans, c'était un back-to-back, certes, mais on l'avait dit aussi que c'était un peu l'affiche qu'on voulait voir dans la semaine, même si on attendait que les Knicks s'inclinent face à Cleveland chez eux, à Cleveland. Mais voilà, c'est dans la façon, et en regardant à la fin de la rencontre, bah, on se dit, bah, y a un joueur qui a fait défaut, quoi. Et c'est pas un. C'est un joueur majeur, quoi, en fait. C'est un joueur majeur du dispositif, d'autant plus majeur que JB n'est pas là, d'autant plus majeur que Kat y revient alors qu'il était en off le match d'avant, quoi. Donc il y avait moyen d'apporter une menace un peu plus importante, quoi. Donc voilà, tirage d'oreille sur ce match pour Mikal. Après, un Mikal à 15 points, est-ce que ça aurait été suffisant pour? On ne sait pas. On va pas refaire le match, mais. Mais voilà, les Cavs s'imposent encore une fois, la troisième fois de la saison que les Cavs s'imposent face aux Knicks. Il y aura un quatrième match, on verra s'il y a un changement ou pas, ou est-ce qu'on se fera sweeper aussi par les Cavs. Affaire à suivre. Après ce back-to-back de la défaite dans l'Ohio, eh bien, il y avait un autre back-to-back et il commençait encore en déplacement, il commençait en Géorgie, face à nos amis les Piou-Piou, les petits aiglons que sont l'équipe de Trae Young, menée par Trae Young. Alors, un match où Trae Young commence à rentrer un 3 points d'entrée de jeu, on se dit oh là là, espérons que ça ne soit pas un match qui vous prenne chaud. Mais finalement, quand on regarde un petit peu dans l'histoire et sur les confrontations récentes, Trae Young, c'est jamais des gros gros pourcentages de réussite en saison face aux Knicks. Et un match qui a plutôt démarré doucement pour New York, en opposition avec le match à Cleveland, mais qui s'est vite bien goupillé pour New York. New York qui a passé un petit run un peu intéressant en début de premier quart-temps et qui s'est mis à partir sur du 27-17, donc a commencé à creuser son avance. Les joueurs se sont fait plaisir, se sont régalés. On avait du Karl Anthony Towns, on avait aussi du Mikal Bridges. Là, donc, il a pu performer, OG toujours. On se posait la question de savoir qui allait starter, puisqu'on avait un retour de campaign sur ce match. Et ben non, c'est Delon Wright qui a gardé sa place. Et Campaign qui a pris le rôle de relais en sortie de banc. Dommage pour Tyler Colec. Une première mi-temps où les Knicks ont carburé, quoi. C'est leur record sur cette saison. Il faudra regarder par rapport à l'histoire. Mais en tout cas, ils terminent la mi-temps à 78 points. Ouais, 78 ouais. à 53. Un blowout voilà, en majuscule. Tu fais presque deux cartons à 40 points, quoi. C'est incroyable. Donc là, il y avait de l'adresse à 3 points, il y avait de la réussite au total, il y avait un jeu en mouvement. Bah, c'est très plaisant, ça fait d'autant plus plaisir que ça se passe chez les Hawks. Mais des Hawks qui, normalement, sont un petit peu en bataille pour sécuriser une place ou un avantage du terrain en play-in, c'est pas gagné avec ce genre de prestations. Voilà, bah, on n'a pas eu de fanfaronnade de Trae Young, hein, parce que bah, c'était pas une rencontre qui était du tout à leur avantage. Alors bon, Dyson Daniels, il pique toujours autant de ballons, hein. Les Knicks aussi ont par moments eu des petits coups de mou, mais bon, beaucoup moins marquants en termes de scoring et n'ont pas été vraiment inquiétés par ces Hawks. Une large victoire, un blowout, hein, on peut appeler ça comme ça puisque c'est ce qui s'est passé. Même si en fin de match, voilà, on a senti que ça a levé le pied en termes de production. 121-105, ça permettait de se relancer gentiment face à des sparring partners qui ont donné les deux joues pour se faire... pour se faire battre. Voilà quoi, un blowout quoi. Je sais pas ce que tu voulais retenir toi autrement de ce match. Mikal, on en a parlé tout à l'heure, c'était pas ouf. Bah là, il prend 13 shoots, bah oui. Forcément, il met 20 points, plus facile. Bah la même défense, c'est pas la même opposition que face aux Cavs. Hein. Bien sûr, si les Hawks parlent de play-in, faut aussi relativiser tout ça. Mais en tout cas, on a un starting 5 qui est en double digit. Karl Anthony Towns termine à 30 points, 11 rebonds, sans abuser du shoot à 3 points, 2 sur 3. OG Anunoby, 24 points, encore une fois, avec de bons pourcentages aussi. Ouais. Oui. Mikal à 20 points. Josh Hart, pas très loin du triple-double. Hein. Il est resté en fin de match, il lui manquait un rebond. Pourtant, d'habitude, les rebonds, il en capte un paquet. Là, il termine à 11 passes, 16 points et 9 rebonds. Ouais. Dommage, c'est couillon de ne pas avoir récupéré ce rebond manquant, mais c'est comme ça. Et puis sur le banc, bah voilà, Landry Shamet, 12 points. Là, les pourcentages, ils n'étaient pas ouf. Hein. 4 sur 11, 4 sur 10. Mais bon, 12 points tout de même. Precious 6. Kevin McCullough qui vient pour faire un petit peu de figuration à la fin. Et puis Campaign. Avec 3 points en 21 minutes, un match de reprise. Voilà, gentillet pour Campaign, mais bon, de toute façon... Non, bah écoute, on avait commencé la saison sur deux défaites contre Atlanta. Et on finit avec 3 victoires consécutives, dont notamment ce fameux shoot au buzzer raté de George Niang qui nous permet de gagner en prolongation. Tu te rappelles avec la petite claque? Il avait mis la petite claque, je crois, Hart sur les fesses là, à George Niang. Ouais. D'ailleurs, là, pareil, à un moment donné, il l'a un peu cherché durant le match. Il lui a un peu parlé, alors il s'est amusé. Il parle beaucoup, George Niang, hein, il parle beaucoup. C'était George Hart qui le cherchait. Parce qu'il marque un 3 points et c'était lui qui le défendait et il lui parle, il le chambre. Alors, j'en suis venu à me dire, tiens, est-ce que, en fait. George Niang ne sera pas le meilleur coéquipier de la ligue. Ça. Non, mais tu sais, est-ce que ils se sont pas. Comment dire, peut-être qu'il y a une sorte d'entraide à distance Knicks ou ancien Knicks. Avec Grimes. Et de se dire, comment est-ce qu'il lui a parlé à Quentin Grimes, ouais, peut-être qu'il s'entend toujours bien. Vu que ils sont nous. Peut-être dans un gros WhatsApp à discuter. Vu que nous, on l'a roosté, tu sais, moi aussi, tiens, je veux lui parler. Et puis on sait que c'est une tête de con, Josh Hart. Donc. Non, bah écoute, après voilà, ce match, on l'avait prédit comme gagnant, il a été pris, l'équipe a été sérieuse et appliquée, voilà, non, c'est très bien, en face, il y avait quand même des Hawks qui étaient aussi, avec le départ de Hunter, c'est plus trop la même équipe, Zachary Lisa... n'a pas joué non plus, enfin, oui, je sais pas quel était son niveau de blessure, mais il n'était pas... Qui ça ? Il n'était pas dans le match. Clint Capela. Ah oui. N'était pas présent. Non, il n'était pas là. Après, voilà, Zachary Risaché a pas connu le même niveau d'adresse qu'il avait eu contre nous sur le premier match, là où il avait fait La chance du débutant. Ouais, ça avait été incroyable. Non, et puis ouais, un Trae Young en difficulté avec des qui se sont alternés sur lui, des OG, des Mikal. Non, ben bah, voilà, bah, belle victoire, il fallait la prendre parce que bah, tu as toujours Indiana qui met la pression, donc c'était des matchs à pas perdre et bah, tu l'as pas perdu, donc c'était là le principal pour essayer de conserver cette troisième place. Ouais. Cette bonne dynamique et ce bon bilan que feront les Knicks à l'issue de cette régulière. Un premier match de back-to-back où Mitchell Robinson n'a pas joué. Donc on s'attendait à le retrouver pour le dernier match de la semaine. Et on a retrouvé pas mal de monde finalement sur ce dernier match de la semaine. Et oui, bah ouais. Dans cette nuit de dimanche à lundi, retour de Jalen Brunson. Ça, on le savait, ça en parlait depuis un moment. On disait oui, il va être de retour pour ce week-end, pour la fin de cette semaine. Et du coup, retour aussi de Miles McBride. Petite surprise, on ne savait pas. On n'avait pas forcément d'indication sur son retour effectif. Eh bien, c'était le cas. Il a pu jouer sur ce match. Mitchell Robinson était là. Bah, on avait quasiment l'effectif au complet dans cette histoire. Bah, on avait l'effectif au complet. Et du coup, intéressant de voir comment allaient s'articuler les rotations. Bon, Jalen Brunson, il allait reprendre sa place de titulaire. On ne s'attendait pas à le voir sortir du banc. Il a pris sa place de titulaire. Avant le match. Hein. Mais après, quelles allaient être les sensations? Comment allait-il être avec son shoot? 15 matchs sans jouer, c'est pas rien. Donc voilà, même s'il s'est entraîné sérieusement, ça, aucun doute là-dessus. Les sensations de match, elles sont tout autres. Et un match bah, voilà, qui a été un peu un défi entre Devin Booker versus les Knicks. Bah, c'est Devin ça. Booker, oh, bah, il n'y avait que lui. Pouvait pas trop compter sur Bradley Beal ou vraiment par occasion. Dans le quatrième, il a mis des bons shots. Sur le quatrième carton, c'est plus celui qu'on a vu, notamment à un moment donné, même sur un contre, c'était sur qui un contre-attaque, Chamet. C'est McBride. Il met un contre sur McBride en contre-attaque. Donc ouais, Bradley Beal un peu fantomatique sur les trois premiers quarts, mais c'est plus révélé sur le quatrième. Mais sinon ouais, c'était Devin Booker comme tu dis contre le reste du monde. Il y avait personne d'autre après à côté. On voit le talent du joueur et c'était pas que les chaussures qui l'ont aidé, sûrement, mais pas que. Ouais, on voit le talent lorsqu'il a besoin d'aller marquer. Voilà, ça reste un joueur élite là-dessus. Malheureusement dans un projet un petit peu compliqué avec les Suns qui ne feront pas le play-in, on l'a dit. Enfin qui feront pas le play-in. On parle même pas de play-off, on parle de play-in, ils feront pas le play-in. C'est compliqué pour eux. Et les Knicks ont tenu leur adversaire à une dizaine de points. Sur ESPN, ils l'ont pas encore mis officiellement. Ils sont à 3 matchs des Dallas Mavericks. Ils sont à 70. Il en reste quoi, 4 à jouer. Ouais, ils sont à 78 matchs joués. Donc en gros, je pense que le prochain match peut sceller leur destin. Voilà. Mais là, ça a pris quand même un gros coup dur. Ça a créé mauvaise tournure pour eux. La dynamique n'est pas bonne. Et donc oui, sur ce match, bah, les Knicks ont réussi à prendre des devants et puis tenir un peu leur adversaire à une dizaine de points. Mmh. L'écart a un petit peu monté par moment. Mais ça n'a pas été si simple que ça parce que finalement, Phoenix arrivait à exploiter les erreurs. Il y a eu beaucoup de pertes de balles en première mi-temps, premier quart. Et le début du quatrième quart. Enfin, tout le temps, en fait, il y a tout le temps eu des pertes de balles. C'est dommage. Le quatrième quart-temps, il y a quand même 6 minutes où tu marques pas de panier. Tu marques pas, ouais. Ouais. Pas de shoot, il y a eu des lancers, mais pas de shoot rentré. Bon, c'est long par moment. Et là, en principe, on avait tout le monde. Donc, oui. GB, match de reprise, voilà. Peut-être pas encore toutes les sensations et ça reviendra. Et c'est pour ça aussi qu'il fallait revenir. Oui, non, mais attention. Mais il n'y a pas que lui. Il ne faut pas tirer des leçons du match de Brunson sur celui-là. Hein, Non. Mais moi, je l'ai trouvé pas mal. Je trouvais qu'il ne forçait pas plus que ça. Je trouvais qu'il cherchait bien ses copains à la passe. D'ailleurs, j'étais surpris. Je me suis dit, tiens, il sera peut-être aux alentours des 10 passes. Et en fait, non, il était qu'à 6. Pour moi, j'étais persuadé sur le match qu'il était presque à 6 passes. Et puis, quand il a fallu rentrer un gros 3 pour terminer l'affaire, il sait toujours faire. Et il a rentré le gros 3. Donc... C'est son gros 3 parce qu'il a 1 sur 4 au shoot distance. Non, mais, et pourtant, ce 3 est hyper important à ce moment-là du match. Donc non, il ne faut pas... Ça va rentrer au fur et à mesure. C'est un match de reprise. Je pense qu'il a testé sa cheville aussi dans les drives. À un moment donné, là, il finit sur un lay-up. Il finit avec le cul par terre. là tu te dis ouais, j'espère que ça tient. Je pense qu'il s'est testé aussi. Voilà, petit à petit, il va reprendre confiance. Il y a aussi une part d'appréhension aussi, tu sais, les joueurs, mine de rien, les chevilles, tu sais ce que c'est. Donc Ah, puis voilà. c'est un joueur qui va au contact, Ben, c'est donc on sait ça. que les chevilles elles tournent à ce moment-là. Si c'est un joueur qui passait sa vie au large, bon, tu t'exposes un peu moins. Là, on connaît le jeu de Jalen Brunson, il n'a pas abusé non plus de ces situations où il va au contact. Donc il a laissé le jeu venir un peu à lui, il a laissé aussi ses coéquipiers jouer, et ça s'est plutôt bien vu en la personne de Karl Anthony Towns à un moment, où il nous a fait un bon petit run, le Karl Anthony Towns, le Et le charentois. run de OG dans le troisième. Wow. Mais j'ai l'impression que c'était plus qu'un run, c'était un match de OG encore une fois, parce Le qu'il termine la rencontre à 32 points, 6 sur 8 à 3 points. troisième, Royal. le troisième quart est, le troisième quart est incroyable. Et il a ajouté cette faculté de 3 à l'arrêt, où il est face au mec, et un peu à la, un peu ben, justement à la mélo, tu vois. Où à l'arrêt, là d'un coup, hop, le pull-up, incroyable. Enfin, il a ajouté cette passe, cette. Ouais. Ça, Et ce. pas dans le corner en plus, Non, il est ouais. face au panier À un ou à moment donné, 45. bref. Hein, donc, ouais, ou alors. Enfin, au drive. Il a tout fait dans ce troisième. Royal. Non, il a été. Troisième quart, vraiment. Ah, il nous régale en ce moment. Incroyable, ouais. 6 rebonds également, 3 passes. Bon, 4 fautes, mais bon, forcément, quand tu défends, tu Quand t'exposes à David des fautes. Booker, bah ouais. Et des fois des fautes, allez, un peu généreuses. Généreusement donné au Suns par rapport à sa défense. Mais voilà, un joueur total en ce moment. OG Anunoby nous régale. J'étais curieux de voir un petit peu comment ça allait. Et il va falloir plusieurs matchs pour pouvoir avoir cette vision des choses. Mais comment tout ça allait se rééquilibrer, puisque avec le retour de Brunson, la répartition des tick et shoot va sûrement évoluer. Est-ce qu'on va avoir des séquences un peu plus en isolation et moins en mouvement? Bon, ça s'est pas encore trop vu sur ce match-là. C'est trop tôt pour tirer une conclusion de l'effectif avec la réintégration de Brunson. On a un Mikal face à son ancienne équipe qui nous fait 22 points. Comme quoi, il est capable. Il prend des shoots, 8 sur 14, 2 sur 3 à 3 points. Bah voilà, très bon pourcentage, belle production. Pourquoi est-ce que tu nous fais pas ça à chaque fois? J'attends pas à ce qu'il termine à 20 points tous les soirs, hein, notre ami Mikal. Même si ça serait parfait. Mais en tout cas, dans la prise d'initiative, oui, une dizaine de shoots par soir, ça me semble être dans le gabarit, dans le profil de Mikal, avec surtout la variété qu'il a dans son jeu et ses capacités aussi à prendre des mid-range, là où d'autres jouent plutôt au large. Donc voilà, une très belle prestation d'équipe. Josh Hart, voilà, qui nous fait ses 10 rebonds. Bah oui, il les a fait là, ce soir-là. Il aurait pu les faire sur le match face aux Hawks pour valider son triple-double, mais non. Et voilà, un joueur un peu moins, comment dire, utilisé offensivement, même s'il termine à 7 points. Un banc limité à 4 joueurs. Alors les rotations, elles se sont faites assez vite dans le premier quart, c'était intéressant à voir, mais finalement un banc qui a été limité à 4 joueurs en la personne de Mitchell Robinson. Bon, Mitch, petit Mitch hein, sur ce match. 2 points, 2 rebonds, 3 fautes, une passe, 13 minutes. Bon, pas le match où il avait besoin d'un secteur intérieur. Il n'y avait pas de toute façon côté Suns d'intérieur qui pouvait gêner Cat, qui pouvait gêner OG, qui pouvait gêner Bah, Mitch. il y avait Donc normalement voilà. Nick Richards normalement, mais c'est vrai que. Ouais, mais il n'a pas été voilà suffisamment et il manque peut-être aussi un peu de taille face à ses intérieurs qui Ils ont leur pouvaient. rookie aussi là, Igodaro. Ouais, oui, mais bon, voilà quoi. Un peu light à ce niveau-là, mais quand tu as du Bradley Beal, quand tu as du Kevin Durant, quand tu as du Devin Booker, bah forcément, tu as un petit peu moins d'argent pour aller compléter ton Il est bol effectif. bol, mais il a pas joué. Pas de bol. Non. Bon, et retour de Miles McBride. Bon, bah voilà, Miles, 8 points, du pourcentage plutôt correct, 16 minutes de temps de jeu. Bon, bah visiblement, l'aine va mieux, le groin va mieux. Donc espérons que ça tienne jusqu'au bout. Et puis, un Landry Shamet qui a joué aussi au Suns, hein, si je dis pas de bêtises. Ah bah Shamet, oui. il a fait vraiment beaucoup Ben, d'équipes, Shamet, il a joué 5 au points. Suns période Payne et Mikal Bridges, ils se connaissent de là. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est de là que je l'ai en tête. 5 points, donc voilà, un petit peu de scoring en sortie de banc, on a 17 points en sortie de banc, et un match bah, qui s'est quand même joué dans les derniers instants, parce que les Suns étaient jamais très très loin. La petite période de disette où pendant 6 minutes, New York ne marque pas, ça pouvait mettre le doute, et finalement ça s'est bien fini, et la 50e victoire arrive avec le retour de tout ce beau monde. Donc voilà, ça fait plaisir, ça permet d'envisager la semaine prochaine avec sérénité, je ne sais pas, mais en tout cas sans se mettre la pression de ce cap des 50, on a au moins égalisé le bilan de la semaine dernière à 4 matchs de la fin. Donc voilà, c'est le minimum qu'on pouvait attendre de la part des Knicks, au moins faire aussi bien en régulière que la saison dernière. Tu sais, on se posait la question, qu'est-ce qu'on avait dit en début de saison? Qu'est-ce qu'on avait pronostiqué? Ouais. Et toi, tu n'en étais pas très loin du résultat peut-être que nous aurons. Tu pronostiquais un 52-30. 52-30. C'est encore possible. Et mine, mine de rien, et j'avais dit, faut pas s'attendre à ce qu'on roule sur tout le monde. Ah bah parce non, que sinon, on va être déçu. On n'a pas roulé sur tout le monde. Et j'avais parlé aussi de la profondeur, et c'est ce qui nous a fait un peu défaut cette saison. Alors peut-être qu'on va aller chercher les 52. Ah, ce serait incroyable si j'arrive à faire là. c'est en tout cas possible avec 4 matchs encore à jouer. Bon, moi j'étais plutôt sur un 55-58. Bon, ça va être compliqué hein, avec 4 matchs à jouer d'aller chercher 55 victoires. 57, je crois. Bon, en tout cas, mon plancher était à 55. Bah non. Elle sera peut-être à 54, je sais pas. J'y crois pas des masses. On verra. Allez, on va terminer cette rétrospective avec la rubrique habituelle de la fin de rétrospective, le joueur de la semaine. Alors Brunson, de retour, mais bon, un petit retour, un retour sur la pointe des pieds, doucement JB, de toute façon c'est pas là qu'on t'attend, ça va être quand ça va compter en playoff, et on va voir qui on va devoir affronter en playoff, et là, oui, il faudra être performant, nul doute que tu le seras. Carl Anthony Towns, il nous fait une semaine à la Carl Anthony Towns, un petit match de loupé, histoire de se mettre au frais et de pas trop forcer sur le genou. Et puis... loupé, c'est comme Mikal Bridges. Hein. Alors, Mikal, il loupe des matchs, mais il les joue, mais Kat, il loupe des matchs mais autrement, on a une production statistique qui est à peu près dans ses standards. On a un Mikal, on l'a dit, qui nous a un peu fâché parce que voilà, il se cache, il n'était pas là contre les Cavs. Et on aurait bien eu besoin d'une production de Mikal, donc ça c'était un peu dommage. Un Josh Hart, qui n'a pas fait de triple-double cette semaine. Hein. Une semaine correcte, mais sans triple-double, du coup un peu décevant. Non, on va peut-être pas forcer. Non, on avait pensé dans un temps à un certain Dylan Wright. Et oui, pourquoi? Parce que en l'absence de Jalen Brunson, il a hérité de ce poste de titulaire, en l'absence aussi de Payne, en l'absence de Deuce. Et il a plutôt bien mené sa barque, sans une production statistique, exceptionnelle. Mais bon, il y avait d'autres joueurs à faire jouer. Et pour autant, avec des petits 10 points par-ci, des 12 points par-là, des passes à base de 6-7 passes par-ci, par-là. Donc mention très honorable pour Dylan Wright. Voilà. On ne verra peut-être plus de cette saison. Il avait été récupéré. Il y a de fortes chances pour qu'on ne le voit plus. Oui, s'il y a du garbage time, peut-être qu'il aura droit à un peu de temps de jeu. Super. On verra. On verra s'il y a des blessures. Moi je me dis quand même que ces mecs-là, ils doivent se dire, mais il n'y a pas de concurrence en fait sur le banc. Je veux dire, tu peux avoir des fois des Payne qui est nul, ou Chamet qui est nul, mais en fait, tu vois, tu vas avoir un Chua, ou tu vas avoir un White qui vont bien dépanner, qui vont faire des bons matchs, qui vont montrer qu'ils sont utiles, mais n'empêche que ça ne sert à rien, puisque... Enfin, ça ne sert à rien. En fait, dans le processus du coach, quoi qu'il arrive, de toute façon, au retour des mecs, t'es pas en concurrence. Hein. Je vois pas pourquoi est-ce qu'un White serait pas en concurrence avec un Payne, mais il l'est pas. Et tu vois, je pense quand même qu'il faut avoir une force mentale particulière pour se dire... Ok, écoute, j'ai joué, j'ai pas été mauvais, j'ai même été plusieurs fois plutôt bon dans mon registre. Mais en fait, ça ne marque pas le coach. Je dis pas que Pam Dylan White, il doit être en concurrence avec Jalen Brunson, évidemment que non. Non. Mais il peut l'être avec un Cameron Payne quand même. Et non, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Pas suffisamment. Donc, pour bousculer la hiérarchie. La hiérarchie, quoi. La hiérarchie Cameron Payne. Enfin bref. Non, donc, c'est pas la hiérarchie Cameron Payne. Ouais, non, mais c'est ça. C'est la hiérarchie. Non, il y a donc, le classement des joueurs. Oui, mais non, mais. Et puis donc au final, ce mec va disparaître et il rejouera plus. Comme tu dis, voilà. Peut-être que quand on mènera de 20-25 points, il rentrera à 3 minutes de la fin et puis il jouera son petit garbage et puis on dira bravo. Alors qu'on aura peut-être eu, pendant ce même match, on aura eu 15 minutes d'un affreux Payne. Donc, bah voilà, donc moi c'est un ça au départ où, bah, quand on en avait réfléchi, je t'avais dit bah, pourquoi pas Dylan White parce que eh ben, ce type-là on le reverra plus Et il nous a bien dépanné sur et on, il nous a sur bien sa passe. dépanné un petit clin d'œil, lui dire bah, écoute mec, merci, merci d'avoir bah, bien joué pour. Fais l'intérimaire. Fais Voilà. l'intérimaire sur cette période. T'es Mais l'intérimaire de l'intérimaire. il n'est pas notre joueur de la semaine, c'est parce qu'il y en a un autre qui mérite tout autant, si ce n'est plus, qui lui s'est pas caché, qui lui a son temps de jeu et qui lui bah, prend plus les micros maintenant. Il touche plus les Non, micros. Maintenant, il touche plus les micros Non. parce qu'il touche que des ballons et il les met dans les paniers et Il les c'est met au plutôt fond. bon. Et c'est OG Anunoby. OG Anunoby en ce moment, il est royal. Il aurait pu avoir un petit coup de mou, ça aurait été légitime aussi parce que là, les back-to-back cette semaine, ils n'étaient pas forcément coton. Mais non, cette semaine, il a été constant. Et c'est surtout aussi en ça où c'est remarquable. Il a été constant, il a été agressif, et il a des bons pourcentages. Et encore cette nuit, 32 points, il termine meilleur marqueur d'Enix dans ce match. 13 sur 17, 6 sur 8 à 3 points. Une belle adresse à 3 points. Et on l'a dit, on l'a souligné, même des nouveaux spots de prédilection pour shooter. Des rebonds, tout ça. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait 24 points face aux Hawks. Il nous fait 23 points face aux Cavs. Et il nous fait 27 points face aux Sixers. Une très belle semaine pour OG. Ah C'est ouais. dommage qu'il serait peut-être. Ah, est-ce qu'il sera joueur de la semaine? Est-ce qu'il y a encore des awards de joueur de la semaine possible? Un bilan de 3-1, il ne l'avait pas eu la semaine d'avant. C'est qui? C'est pas Paolo Banchero qui l'avait eu à Orlando? Je sais plus, j'ai un doute sur le joueur de la semaine dans la conférence Est. Mais peut-être que là, ce coup-ci. Dommage, on n'est pas à 4-0. Il manque cette victoire face aux Cavs. Il en a manqué plusieurs face aux Cavs cette saison. Mais en tout cas, en termes de performance, de prestation, bah, il n'a pas à rougir. Ça a été un peu le leader de cette équipe, en tout cas en termes de production statistique et en régularité. Et puis, qu'on le veuille ou non, bah, cette saison, bah, OG ne se blesse pas. Il dure. Il nous Touche du fera une saison bois, touche du assez bois, tu pleine. me dis ça. Touche Et à ça. 4 matchs de la fin de Et la saison régulière. là, au prochain match contre Boston, paf, la cheville, saison out. Là, je te jure, je te regarde comme ça. Hein. Ça peut arriver, ça fait partie des risques du métier, mais en tout cas, jusqu'à présent, il nous fait une saison pleine. Et là où on a beaucoup parlé de son contrat en disant, bon, c'est peut-être un peu cher payé, oui, c'est cher payé. J'ai lu sur les réseaux, Non, j'ai mais lu là, le. là, il le Et justifie. j'ai lu sur les réseaux qu'il ne justifiait toujours pas son salaire. Bon, eh ben, je sais pas ce qu'il faut de plus. Je sais pas ce qu'il faut de plus. Alors, si, peut-être être champion NBA, mais bon, voilà quoi. Voilà. Est-ce que Kevin Durant justifie son salaire? Bah non. Voilà, donc tout est question d'appréciation de contexte, mais en cette semaine et en l'absence de Jalen Brunson, bah, OG Anunoby nous a montré de la constance, de la présence offensive et défensive, et rien que pour ça, et en plus des highlights, il nous fait même un 360. Il termine le match avec un 360 face aux Suns. Donc voilà, bravo à toi, OG. Mention plus qu'honorable à Dylan Wright. Il y en a un pour sûr, on va le retrouver dans les prochains matchs et en playoff. L'autre, c'est moins assuré. Mais voilà, c'est notre joueur de la semaine et je crois que même il nous fait le doublé. Ça devait être lui la semaine dernière, je crois. Tellement en tête que OG n'arrête pas de cartonner que ouais, on le garde sur nos joueurs de la semaine. Allez, une semaine en cache une autre et ben, c'est déjà la dernière semaine de la saison régulière. On regarde maintenant ensemble ce qui nous attend pour le programme de cette dernière régulière et voir combien de wins de plus les Knicks peuvent aller chercher pour augmenter ce compteur de 50. Allez, c'est parti, c'est le programme de la semaine. Et avant de parler de programme, bah on regarde les brackets encore. Alors, c'est pas les brackets NCAA. J'aurais dû boire un petit coup avant moi. C'est les brackets des playoffs. Et ça change un petit peu tout le temps en ce moment, quand même, dans cette conférence Est. Alors, pas pour les places 1, 2, 3, mais c'est plutôt pour les 5 et 6. Un coup, c'est les Bucks. Un coup, c'est les Pistons. Un coup, c'est les Pistons. Un coup, c'est les Bucks. Pour l'instant, les Knicks ne sont pas dans la sécurité. Ils ne sont pas assurés d'avoir un adversaire de connu. Bon, on n'aura pas besoin d'attendre le résultat du play-in pour savoir qui affronter au second tour. Au second tour. Au premier tour, pardon, lapsus. Mais voilà, pour l'instant, ça se joue entre Bucks et Pistons. Bien malin, qui pourra nous dire qui de ces deux-là va finir à la place numéro 6 et avoir la chance d'affronter les Knicks au Madison Square Garden. En tout cas, les Knicks auront l'avantage du terrain. Si on regarde un petit peu le classement de cette conférence Est, 31 défaites, 34-35. Bon, a priori, les Pacers devraient sécuriser ce spot de 4, avoir l'avantage du terrain, eux, mais vont aussi attendre de savoir qui des Bucks et des Pistons vont terminer 5e et 6e. Les Bucks et les Pistons qui s'affrontent deux fois, si je dis pas de bêtises, cette semaine. Et les Knicks qui vont aussi croiser la route de ces Pistons. D'ailleurs, une semaine un petit peu en forme de répétition play-off. Et les Pacers, eux, ils affrontent à deux reprises Cleveland. Ouais, ça va être plutôt intéressant pour, consolider ce classement de la conférence Est. À voir si des équipes ménagent certains joueurs. Cleveland a ce luxe que les Pacers n'ont peut-être pas encore et que les Knicks n'ont pas non plus. Bon, 4 matchs au programme cette semaine, 2 à domicile, 2 à l'extérieur, un petit back-to-back au milieu et une semaine full conférence Est. Là-dessus, la NBA a bien travaillé la chose. On peut se demander ce que fait le dernier match, mais en termes de phase de repos, ça peut être pas mal peut-être pour terminer le 82e match de récupération. Donc on commence pas plus tard que dans la nuit de mardi à mercredi avec la réception de qui ? Bah, des champions. Et ouais, ça sera le dernier match avant les playoffs où en principe leur route peut se croiser. La réception des Boston Celtics mardi soir au Garden. Est-ce que les Knicks vont enfin en accrocher un ? À voir. À voir. Derrière, déplacement dans le Michigan, à Detroit, face aux Detroit Pistons, qui font aussi une très belle saison, qui ont sécurisé leur place assurée avec les playoffs. Ils passeront par la classe play-in. La saison dernière, c'était la dernière équipe de la conférence Est, si je dis pas de bêtises. Ouh, c'était les Wizards. J'ai un doute maintenant. La saison dernière ? En tout cas, ils étaient. Je vais te dire ça tout de suite. Ils étaient au fond du trou. La dernière avec un bilan de 14-68. Et cette saison, eh ben, ils sont en play-off. Bravo à eux, très belle cette saison. Cette saison, ils sont à 43-35. Incroyable. Et une saison aussi avec moins de blessures pour Kate Cunningham. Washington a amélioré son bilan avec deux, pour l'instant avec deux victoires supplémentaires par rapport à l'année dernière. Bravo à eux. Là, ils avaient 15 victoires. Là, ils en ont 17. On comprend pourquoi Evan Fournier ne voulait pas aller aux Wizards. L'effet Alexa. Oui. Bon, bref, Alexa, on ne le croisera pas cette semaine. Par contre, on recroisera les Cleveland Cavaliers. Et ouais, deux semaines à les jouer. Bon, voilà. Et encore une fois, en sortie de back-to-back. Ah ouais. Cette fois-ci, ça sera à la maison. Bon, c'est pas cadeau. Mais ça fera aussi peut-être une répétition. Hein. Là-dessus, sur cette semaine, c'est marrant. On a quand même l'équivalent de 3 adversaires potentiels en play-off en cas de plus ou moins long run des Knicks. Voilà. Bon. On verra ce que seront capables de faire Jalen Brunson et compagnie. Est-ce que OG va encore être très bon ? Est-ce que Mikal va encore se cacher ? En tout cas, Mikal, on espère qu'il ne se cachera pas trop cette semaine. On espère qu'il ne se cachera pas face aux Brooklyn Nets. Parce que oui, c'est l'affiche du dernier match de saison régulière. Et c'est aussi l'affiche de notre KNF Viewing Party. Vous avez le Flyers à côté. Et bah oui, on a mis Bridges dessus. Parce que Bridges prend Brooklyn, Nets. Hein, vous voyez le rapport un petit peu. Bon, voilà. Donc 4 matchs pour finir. 51, 52, 53, 54 ou pas. On verra, on va en parler lors du prono. Seb, tu nous donnes un petit peu les dynamiques de ces 4 équipes. Alors, les dynamiques. Leur calendrier un petit peu respectif. Qu'est-ce que nous avons ? Alors, nous avons déjà en termes de blessures pour Boston. On a que Jason Tatum est sorti contre les Wizards sur une blessure à la cheville. Ah oui, encore ? Parce que vu jouer il n'y a pas longtemps, il s'est refait une cheville. Ouais. En tout cas, c'est ce qui est noté sur ESPN. Et Porzingis était malade, il n'avait pas joué contre les Wizards. Ouais. Pour l'instant, ils sont notés out. Est-ce que ça sera toujours pareil à 4h ou 5h du début du match ? Sinon, ils ont tout le monde qui est là. Ils sont au taquet. Leur deuxième place à eux est sécurisée. Donc, il n'y a pas non plus d'urgence à s'exposer. 58-20. Ils sont sur 4-1 en termes de bilan sur les 5 derniers matchs. Ils ont perdu contre Miami. Sinon, bah, ils roustent tout le monde. Ils avaient perdu contre Oklahoma le 13 mars avant. Voilà, donc très très fort. Tatum, Porzingis, Brown, Horford, tout le monde est là. Tout le monde est au taquet, donc. Ouais, il y avait une inquiétude à un moment donné pour Jaylen Brown, une blessure qui était annoncée. Bah, écoute, et puis, finalement, je l'ai revu dans les highlights derrière, je me dis, bah, en fait, c'est quoi ces annonces? Oh, 4 à 6 semaines? Bah non. Non, non, dans la. 4 à 6 heures. Dans la défaite contre Miami, par exemple, il a été le meilleur marqueur et le meilleur rebondeur. Ensuite, il a été à nouveau le meilleur marqueur contre Phoenix avec 31 points. Donc, non, écoute, ça a l'air d'aller pour Jaylen Brown. Ouais, ouais. C'était du bluff. Donc ensuite, on enchaîne avec Détroit qui est incertain pour Tobias Harris, Jaden Ivey, lui on sait qu'il est out pour la saison, et pour Jalen Durant. Voilà, en sachant que toutes les équipes qu'on va rencontrer auront 4 matchs à jouer cette semaine. Cette semaine. Concernant Détroit, bah, tu l'as dit, hein, eux aussi, ils sont sur un 4-1. Ils ont perdu. Non, attends. Non. Détroit, Cleveland. Pardon, Détroit. Détroit, ils sont sur un 3-2. Ils sont sur un 2-3, pardon, sur les 5 derniers matchs. Ils ont 2 victoires contre Toronto et contre Cleveland, mais ils ont perdu contre Minnesota, Oklahoma. Et là, récemment, contre Memphis. Donc là, sur les dernières semaines, peut-être peut-être qu'il y a un peu de relâchement du fait qu'ils soient qualifiés pour les playoffs. Ils peuvent toujours aller chercher la cinquième place. Je pense que maintenant, la quatrième est terminée. Mais ils peuvent toujours aller chercher cette cinquième place. Ils sont à la chasse aux Bucks, à la chasse aux Dunks. ils sont qu'à une victoire derrière eux, hein. Donc attention, c'est pas fait. Milwaukee quitte de Lillard, donc comme tu l'as dit, hein, ils vont jouer 2 fois en fin de saison en back-to-back Milwaukee Détroit. Donc tu sais que il peut y avoir une bascule. Hein. Ouais. Et puis c'est un peu essayer de choisir son adversaire. Est-ce que tu préfères affronter les Knicks quand tu t'appelles Détroit? Est-ce que tu préfères affronter Indiana quand tu t'appelles Détroit? Il y a une rivalité avec Indiana qu'on connaît. Mmh. Malice Idle Pride Palace nous le rappelle régulièrement. Et ouais, ils peuvent avoir leur destin entre leurs mains. Voilà, Détroit. Ceci dit, donc, leur semaine, c'est Sacramento, c'est New York. Et puis, donc, les Bucks deux fois. Hasard du calendrier est quand même assez incroyable, ça. Cette double confrontation contre Milwaukee. Ensuite, on enchaîne avec Cleveland. Bah, Cleveland n'a pas de blessés. Pas de blessés notables, pas de out, pas de day to day, pas de tout va bien, tous les voyants sont au vert. Ils ont perdu, étonnamment, contre Sacramento, tu vois, 120-113. Donc ils sont sur un bilan sur les 5 derniers matchs de 3 victoires pour 2 défaites. Leur deuxième défaite était Détroit, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Et leurs 3 victoires sont San Antonio, New York et les Clippers. Voilà. Sur ces derniers temps, voilà, il y avait une série de 4 défaites, puis 3 victoires, une défaite. Bon. Il y a un peu de relâchement et. Est-ce voilà. que. C'est long et long pour tout le monde. Voilà. Visiblement, quand même, ils sont. Pour avoir le meilleur bilan de la ligue, ils sont à 2 victoires derrière OKC. À 4 matchs de la fin, ça semble dur d'aller les chercher. Je pense pas qu'ils Est-ce qu'ils ont un intérêt à leur faire un push là maintenant et se griller, bon, même s'il y a un bon bonne gestion du coach. Par contre, eux, je pense qu'il peut y avoir du load management, contrairement à nous. Je pense que chez eux, ça va peut-être faire un peu plus tourner pour ménager les organismes. Leur semaine, c'est Chicago, c'est Indiana, New York, Indiana. Donc, Indiana qui est derrière nous à 3 matchs. Est-ce que Indiana va faire un perfect pour aller nous prendre cette troisième place? Pas évident pour Indiana avec cette double confrontation quand même contre Cleveland. Voilà concernant nos amis de l'Ohio. Et enfin les Brooklyn Nets, c'est le rayon des blessures est plus fourni. On a Cam Thomas qui est out. On a Cam Johnson. Est-ce qu'il reviendra contre les Knicks? Pas sûr. Enfin, si, il est revenu. Il est revenu, Cam Johnson, je dis une bêtise, il est revenu puisqu'il a pris 7 rebonds. Donc, bah, il est revenu, ouais. Mais bon, je sais pour pas. Prendre 7 rebonds, c'est que tu as joué un peu. Ouais, ouais, c'est que tu as rejoué un peu. Darren Sharpe est marqué out. D'Angelo Russell est marqué out. Et Nick Claxton est marqué out. Alors, est-ce que eux, pour le coup, ils vont vraiment lever le pied et ils vont mettre tout le monde au repos? C'est possible quand il n'y a, pas... a plus grand chose à jouer et les dernières places pour la loterie vont pas. Ouais, quand tu vois que le meilleur marqueur du dernier match de Brooklyn est Rhys Beekman. Pardon ? Le meilleur marqueur du match de la défaite de Brooklyn de qui, ce mec contre Toronto et Rhys Beekman avec 8 points. 14 points et 5 points. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Ouais. Pas voilà. Mal, belle perf. Bon, bravo à lui. Rhys Beekman. Et avant ça, le match d'avant contre Minnesota, tu avais Tozan FBO-man qui s'était illustré avec 8 rebonds dans la défaite contre Minnesota. Donc voilà. Donc voilà, voilà le type de joueur qui joue en ce moment. ils vont jouer avant nous la Nouvelle-Orléans qui ne joue plus rien. Ils vont jouer Atlanta. Atlanta qui, attention, Atlanta. Atlanta ben, s'est fait passer devant au classement par Orlando. Donc on sait quand même que cette 7ème place est potentiellement importante puisque elle va te donner l'avantage du terrain sur le premier match du play-in. Ouais, ce qui n'est pas anodin. On a les Bulls et le Heat qui sont pas loin derrière d'Atlanta. Les Bulls sont à une victoire. Le Heat est à deux victoires, même s'il a, bon, deux victoires à quatre matchs de la fin, ça commence à faire un peu. Donc Atlanta va sûrement jouer ce match comme il faut. Et puis, ben, nous, voilà quoi, on va jouer. Ils vont nous jouer à la fin. Ils vont avoir Minnesota. Minnesota aussi, hein, dans la folie de l'Ouest. De la folie de l'Ouest, ben, peut-être que cette victoire comptera pour être qualifié dans les 6. Donc, il est possible qu'il fasse un perfect toute défaite pour nos amis de Brooklyn. Et puis, il joue les Knicks à la fin. Donc voilà un petit peu les forces, les faiblesses le programme de nos adversaires. Ouais. Bon, toujours, on va faire les deux questions qui permettent de finir cette émission. Quel est le match à ne surtout pas manquer cette semaine, selon toi ? Moi, c'est le match contre Boston. Ok, c'est d'accord. Pas le Cleveland, parce que c'est bon, Cleveland, j'en ai soupé. Bon, Boston aussi, hein, mais là, on est sur une très bonne... en fait, pourquoi Boston et pas Cleveland ? Parce que Cleveland aussi sera, encore une fois, le deuxième match du back-to-back. Mm. Et c'est relou. Donc, on ne peut pas vraiment jauger... Là, contre Boston, on peut jauger parce que ben, on aurait eu... à la maison. À la maison, on aurait eu le temps de se reposer. On est au complet. Si on prend une branlée, bon, ben, ok. Ok, ils sont plus forts. Actuellement, on a un OG qui n'a jamais été aussi fort que maintenant. On a donc JB là qui revient. On a Karl Anthony Towns qui a fait quand même de bonnes perfs. Michael Bridges, ok, d'accord, il est sur cours alternatif, mais il peut quand même. Il nous a encore sorti sur le match d'hier une séquence défensive hyper importante avec un contre-clutch. Un Josh Hart, un banc qui est là. On sera pas en back-to-back. Mitchell Robinson qui sera là. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est ce match qui m'intéressera le plus. Si on se fait défoncer. Eh ben, ça confortera mon idée sur cette équipe. Si on arrive à le prendre, ce match, alors certes, je sais que ça ne veut rien dire. Ce matin, j'en parlais encore avec Chapi, qui lui estime que Boston va sûrement faire tourner, ou en tout cas prendre un peu ce match en dilettante. Et du coup, cette victoire n'aura pas vraiment de saveur particulière parce qu'ils auront fait le job durant la saison régulière en nous battant à plusieurs reprises et avec la manière. Mais... Moi, c'est pas tant faire douter Boston, c'est nous rassurer, nous, dans cette confrontation qui est peut-être la demi-finale de conférence. Donc, essayons de ne pas se faire sweeper. Ouais, essayons de gagner, en sachant que Boston, attention, va viser le record du nombre de victoires à l'extérieur. Ouais. Donc, ce match va peut-être être important pour eux. Donc peut-être qu'ils vont peut-être pas le lâcher aussi facilement. Non. Surtout, peut-être, je veux bien à 4 matchs, à 2 matchs de la fin, mais à 4 matchs de la fin, commencer à lâcher des matchs, ça me semble loin quand même. Bah, quand tu es largement devant au classement, oui. Alors, ils ont validé leur seconde place, mais pour autant, est-ce qu'ils vont le prendre à la légère? C'est un match On toujours sait pas. particulier quand même contre les Knicks Ouais, aussi. en plus. Ouais. Donc voilà, c'est ce Donc, pour toi, match. c'est le match à suivre. Voilà, c'est Bah, celui-là. écoute, je vais pas faire très original. Ben pour moi, c'est le même. C'est le même. On a dit que le projet Knicks était un peu construit à l'image de ce qu'avait fait la constitution du roster des Celtics, avec des joueurs peut-être moins talentueux, certes, mais en tout cas en termes de match-up, d'avoir des oppositions. On s'attend à voir cette affiche aussi au second tour des playoffs, parce qu'on attend à ce que les Knicks, on s'attend à ce que les Knicks passent ce premier tour, que ce soit Bucks ou Pistons. Les Knicks, normalement, doivent passer ce premier tour. Ça serait vraiment une contre-performance de sortir au premier tour. Et donc, ça va être une répétition avant l'heure. Parce que si les Knicks affrontent ces Celtics, oui, il y a déjà trois matchs qui ont été des belles défaites de la part des Knicks face à ces. Et belles, des belles grosses défaites. C'est bien ça le problème. Oh ouais. On n'a pas existé dans ces matchs. On se rappelle de l'opening night, on se rappelle moins des autres, mais on se rappelle que c'est quand même des blowouts. Et donc voilà, il serait de bon ton d'avoir vraiment un match disputé. Est-ce que Jalen Brunson sera complètement Je vais en rappeler forme? 109, 132, 131, 104, 105, 118. Et dans ces matchs-là, Karl Anthony Towns n'avait pas existé. N'avait pas existé, n'avait pas pesé. Donc j'attends vraiment à ce que sur ce match, maintenant au complet. On a, voilà, il y aura peut-être des blessures à l'issue des matchs ou sur ça, à l'issue de cette semaine, on n'en sait rien. Mais en tout cas, maintenant, on peut afficher une équipe au complet face à ces Boston Celtics. C'est une répétition avant l'heure. Oui, ce n'est qu'un match de régulière. Oui, si on le gagne, ça ne va pas remettre en cause le fait qu'on a un avantage psychologique ou quoi que ce soit. Mais voilà, il serait de bon ton de se tester et de voir qu'on est en capacité de rivaliser avec cette équipe. Une série, c'est autre chose. Ça se jouera chez eux. Il y aura la confiance du champion. Il y aura un premier tour de playoff qui sera Là, sûrement passé. voilà, là, on se projette sur une demi. Ah, il faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Non, bien sûr. Mais voilà, dans l'ambition, dans l'objectif d'Enix, c'est de défier. C'est d'aller être compétitif face à des Boston Celtics, que ce soit en finale de conf au second tour, peu importe. L'objectif, c'était ça, d'essayer de rivaliser avec les Celtics. On n'a pas pu le faire jusqu'à présent. Là, on est dans les répétitions avant playoff. Je pense pas que les Celtics vont lâcher le match. Après, oui, si la rencontre elle est avec 20 points d'avance des Knicks à l'entrée du troisième quart-temps, enfin à l'entrée du quatrième, peut-être qu'à ce moment-là, ils jetteront l'éponge parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller se faire mal pour quoi que ce soit. Mais en tout cas, à l'entame du match, non, ils vont jouer le match les yeux dans les yeux. Il faudra bien défendre. OG, qui est royal en ce moment, est-ce qu'il va être en capacité de Voilà. performer de la même façon? Est-ce que Mikal va se cacher en mode ah, j'ai peur, machin? Est-ce que Kat va faire non? Moi ce soir, je shoote pas à 3 points. Est-ce que Mika Et va prendre pourquoi? plus de 8 shoots? Voilà. Est-ce que Miles McBride va réussir à faire ce petit sixième homme qu'on aimerait voir de lui voilà, avec une régularité à 8-12 points? À voir, à voir. Est-ce que Mitchell Robinson, il pourra apporter son côté protection d'arceau, capacité à prendre des rebonds et éviter de se faire masser les côtes par Luke Cornette? J'attends beaucoup de ce match. Ça reste qu'un match de régulière, mais c'est une répétition avant l'heure et il faut qu'on montre un tout autre visage que celui qui a été très timide et très décevant face à ces équipes En tout en cas, régulière. sache une chose, On l'attend, on l'attend sûr. c'est que cette semaine, Qu'on d'accord, gagne ou qu'on le perde, on l'attend. ESPN prédit une victoire des Knicks contre Boston à 56%, prédit une victoire des Knicks sur Détroit à 56%, prédit une défaite contre Cleveland à 46%, et prédit une victoire contre Brooklyn à 80%. Ok. Bon, les mecs, ils prédisent pas à 100% parce que bon, sinon les gens parient pas, quoi. Mais bon, ok. Et ben justement, on va y venir au-delà de notre affiche immanquable de la semaine. Les pronostics. Bon, la semaine dernière, on s'était aligné aussi. Bon, là, on s'aligne sur l'affiche immanquable. On était sur un 3-1 tous les deux la semaine dernière. Tu prends le lead sur les pronos ou je le prends? Où tu veux. Allez, bah vas-y, lance-toi alors. Eh ben écoute, au Lakers, on fait encore 3-1 cette semaine. Ah ok. Mais Non, où est-ce pas qu'on faire, c'est perd? bon. Non, bah après. Cleveland, on perd contre Cleveland. On perd contre Cleveland, voilà, c'est en plus ça se joue. Non, ça se joue à la maison contre Cleveland, mais on perd contre Cleveland. Deuxième match, back-to-back, Cleveland complet, pas de blessés, pas de bobos. Eux aussi, peut-être qu'ils voudront faire passer un message en disant, bah, regardez, on a sweepé les Knicks. Cleveland, cette saison, sur les confrontations, c'est 110-104, 105-142, 105-124. Est-ce qu'on arrivera à scorer plus de 105 points contre Cleveland? Non. Allez, on gagne contre les Celtics. Dans un match un Ok. peu contre toute attente, un peu le même match qu'avait fait Emmanuel Quickly en fin de saison il y a 2 ans contre les Celtics. Un peu un match où ça rentre pas côté Celtics, ça rentre côté Knicks et puis rapidement on fait l'écart et puis on gagne ce match. Pistons, ça c'est aussi un sacré match. On va le gagner en prolongation. Oh. Ah oui, tiens, ça manquait un petit peu. Faut un peu de piment dans cette semaine. On va le gagner Prolongation. en prolongation. On a le ballon de la gagne, mais on ne le marque pas. Avant Et le back-to-back, enfin dans le par contre, back-to-back, c'est bien. voilà, par contre, en prolongation, Chez eux. voilà. Cleveland, non, Cleveland, on perd. Cleveland, alors, ça ne sera peut-être pas une rouste, j'espère. Mais on le perd. Et par contre, les Nets font tourner. Nous non et puis donc on les éclate de 7 points voilà Ok. étonnamment Ce qui voilà ferait un bilan de 53 wins à la fin de la régulière. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. bah, écoute Ce serait pas mal. voilà Eh ben écoute, ça serait trop facile de te suivre. En fait, j'ai bien envie de te suivre parce que, effectivement, back-to-back, Cleveland dans le second match de back-to-back, pas simple. Est-ce qu'il y aura un faux pas face aux Pistons? Ça pourrait, hein, ça pourrait. Hein. Mais oui, j'ai envie d'une victoire face aux Celtics. Ça changera pas la narrative sur la saison. Ça permettra de rééquilibrer un tout petit peu moins ridiculement le bilan face aux très grosses équipes. Mais non, moi je vais partir sur un 4-0 pour finir, en mode YOLO. En mode YOLO. J'y crois à moitié, hein, j'y crois à moitié. Mais c'est histoire d'avoir un pronostic légèrement différent du tien pour la semaine prochaine. Je serais plus parti Non, sur un 3-1 autrement. il fallait bien finir la semaine. Et puis ça ferait 54, Et c'est bien 54. je crois que, écoute, t'avais commencé. Je me demande si t'avais pas commencé les pronos de la saison avec un Allez, 2-0. 4-0. Et Ouais, parce que ouais, ça avait ouais. commencé, on avait 2 matchs, et Boston et Indiana. Tout Et ça est sur la chaîne, hein. On peut revenir sur les pronos. Que quelque part que tu finisses là encore sur un perfect, et ben la boucle est bouclée, j'ai envie de te dire. Donc Alors, est-ce que je ferai un perfect en résultat effectif? On verra. Après, on parlera des playoffs. Est-ce qu'on j'annoncerai des sweeps à chacun des tours? On verra aussi. Mais non, voilà, Boston, oui, il faut rivaliser. On se retrouve, on va se prendre une défaite. Mon prono, il tombe à l'eau direct. Enfin, le tien aussi. Pistons, ça peut être aussi l'accident de parcours parce que les Ah ouais, les Pistons, pistons. ils ont la confiance aussi, Ouais, ils ont ouais. envie. Ça va être une équipe un peu Et poil à puis, si gratter on doit les de cette jouer, conférence. un peu si on doit les. Tu sais, Ça peut être aussi une répétition avant l'heure, mais c'est peut-être. ça en fait. Donc voilà, et ça sera le premier match de back-to-back. Est-ce que Mitch va jouer ou pas? On sait jamais. Les Hein. pistons jusqu'à présent, premier match 128-98, deuxième match 120-111. Troisième match, 124-119, mais victoire. Et donc, les Pistons, pour l'instant, mènent la série 2-1. 2-1. Ouais. Est-ce qu'on va rééquilibrer comme ce qu'on a fait pour face aux Hawks? À voir. En tout cas, il faut éviter un sweep face aux Celtics. Et j'ai envie d'éviter un sweep face aux Cavs. Ça changera pas la narrative. Ils resteront premiers de leur conférence. Ils auront l'avantage du terrain en finale de conf face à nous. Non, mais voilà, peut-être qu'avec un malentendu, on a fait une très bonne première mi-temps face à eux sur le premier match du back-to-back. Le premier, non, second match du back-to-back aussi. C'était le second. C'était le second aussi la semaine dernière. Là, on aura Brunson. C'est vrai que Brunson nous a manqué. Est-ce que Brunson va faire les back-to-back? Bon, pourquoi pas. Mais voilà, je me dis, allez, un petit relâchement. Ils se sont relâchés dans la saison. Ça sera chez nous, ça sera pas chez eux. Ouais, ça serait peut-être bien pour le moral. Et puis voilà, le match face au Brooklyn Nets, vous le savez, c'est la dernière KNF viewing party de la saison. Donc oui, Voilà, une victoire, ça reconnais serait ces bien. noms en tout cas, Elf Bowman Voilà. et Bidule. Non, cela on ne les retiendra pas, mais en tout cas, on a envie de fêter ça dignement avec une belle victoire en dernier match de saison régulière avant d'attaquer les playoffs. Il y aura un petit peu de repos parce qu'il y aura le play-in. Et voilà, en tout cas, vous vous rappelez qu'il y a cette viewing party dimanche face aux Brooklyn Nets. Donc 4-0 pour moi, 3-1 pour toi. J'espère qu'on sera plus dans le positif que On dans est le négatif. Mais confiant, hein, quand même. tout est possible sur cette dernière semaine de Mais régulière. de la En même temps, là, confiance. on est au complet. Merde, on est au complet Et là. pour compléter cette émission et rendre l'antenne à presque 2 heures après avoir parlé, bah ouais, on est des bavards et on n'a pas encore fait les playoffs. On n'oublie pas le rendez-vous de demain et histoire de bavard, bah, bavard le retour. Le mardi, c'est Knicks Together avec Chapi sur Twitter X. Venez discuter de vos préférences, Pistons, Bucks en playoffs. Bah voilà, on aura l'occasion d'en parler plus longuement. Ici, on n'en parle pas. On se garde ça pour demain. Il y aura du petit quiz. Ça va parler de Melo, encore, Hall of Fame. Bah ouais. Et puis peut-être aussi d'autres choses. Donc voilà. Un beau petit programme et rendez-vous demain à partir de 19h en mode antenne libre. À vous de parler. Parce que la dernière fois, j'ai beaucoup trop parlé. Donc à vous de me donner un petit peu vos Ouais, il faut impressions. venir. C'est vrai que j'ai. Bah, moi, c'était la semaine où je ne peux pas participer. Là, j'y serai. Ouais, c'était un peu. C'était C'était les prolongations, l'overtime, c'était quoi. ouais, c'était un duo, quoi. C'était un duo, faut pas hésiter à venir papoter. Mais oui. Tout le monde est les bienvenus sur C'est ces ça. émissions Ça va être et Knicks Together, ça veut dire Knicks ensemble. Ouais, ensemble. Allez, on aurait peut-être dû le mettre en français, quoi. Knicks ensemble. Bon, en tout cas, on est encore ensemble avec vous la semaine prochaine parce qu'on vous donnera rendez-vous. Alors peut-être pas le lundi, on verra à quel moment on enregistre ça. On aura aussi l'occasion de se projeter sur la série de playoffs à venir parce que oui, les Knicks, quoi qu'il La semaine arrive, prochaine, auront c'est au fini. moins une série. Mais la semaine prochaine, finito la régulière et on attaque en mode playoff. Donc on va se mettre en mode playoff la semaine prochaine. Bon, voisin du dessous, Ça y est, bon c'est fini. 4-0. Ben Une régulière de plus, ça nous rajeunit pas tout ça. Mais une régulière à 50 wins, c'est déjà bien. À 54, ça sera encore mieux. Allez, bonne semaine à toutes et à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode 121 en mode playoff. Allez, c'est y part. Bonne semaine. Ciao, ciao.